vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan de cette semaine, assemblage rookie. Tania nous parlera de femmes qui se lancent souvent en l'air pour la cause. Et on annonce une émission partiellement dégagée avec probabilité de chronique maison. Assemblage rookie commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Rocket pour la semaine du 21 août 2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bonnet. Salut Tania, on t'en dirait des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce jeudi. Et puis les drills se font entendre aujourd'hui. Hey boy, hein? La construction est partout dans le pavillon et dans le campus universitaire. Vraiment partout, là. Je pense qu'il n'y a pas un endroit qui n'est pas en construction présentement. Et ce qui est le fun, c'est que ce ne sera pas fini avant la rentrée. C'est ça, on tient à vous rappeler qu'il y a la rentrée comme dans une semaine. Alors, ouais. Joie à vous qui allez rentrer en pleine construction. Ça va travailler dur d'un coup. Passez pas par Ringuet. La semaine prochaine. Non, il y a du sable. Il y a du sable, il y a beaucoup de sable. C'est le désert. Oui, exactement. On a décidé de placer une plage, c'est pour ça. Voilà. C'est comme ça qu'on refait le devant du pavillon. C'est ça que j'ai dans le crack en ce moment. Oh boy! Bon. Donc aujourd'hui à l'émission, on a plein de chroniques maison. J'ai dit, comme d'habitude, on va avoir 5 personnes de répondre là. Les instructions d'assemblage et une grosse pointe d'adresse à la fin de l'émission. David Ferron va venir nous rejoindre dans quelques minutes d'ici la fin de l'émission, en fait, pour parler et entendre de la musique. Donc on sait pas, entre maintenant et dans 3 heures, David va être là avec nous. Ça va popper, là, pouf, comme ça. Comme un pop-up que tu veux bloquer, mais que ça marche pas. Exactement. Intempestif, qu'on l'appelle, David Ferron. Ta chronique s'en vient aussi, Tania is gonna entertain ya. T'as deux chroniques aujourd'hui encore, non? Oui. Oui. Ben oui, tout ça. Je vais vous parler, comme tu l'as dit, de trois femmes qui aiment ça se lancer en l'air, mais pour la bonne cause. Mm-hmm. Vous allez voir. Je vous laisse sur une espèce de suspense du pourquoi, quelle sorte de lançage en l'air ils font. Et on va aussi discuter argent un petit peu. Oh! Oui, parce que c'est un des sujets... C'est un de nos sujets préférés, de savoir à quel point on est pauvre, on de savoir à quel point on n'a pas d'argent, mm-hmm. et comment on aimerait en faire plus. C'est un choix de vie, les médias. Exactement. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui, on a 3 heures ensemble, on va s'amuser comme toujours, comme des petits foufous. Oh oui. Oui. On commence avec une petite chanson pour débuter ça comme il faut. Là. C'est une pièce de la formation Forgotten Fix. Mise en scène. Oui, mise en scène. C'est mêlant parce que les albums n'ont pas de texte dessus souvent. C'est vrai, c'est comme nouveau, ils font plus ça. Je sais pas. Bref, c'est mise en scène avec l'album Still Life on Fire. Voici Closer et son intro qui la précède. Assemblage requis. Ah, c'est fou, 89 FM. Seul sur le sable et puis thank you. Scène et la pièce Closer sur l'album Still Life on Fire dans Assemblage Rocky. Pas mal bon ça avec la petite intro devant. Hein? Excellent. Ouais, excellent, on aime ça. Maintenant, toujours à Assemblage Rocky, c'est le moment de s'acheter des choses sur Internet. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais ça ne devrait pas. Là, la chronique où on achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément, hein, quelques secondes après. Une fois qu'on a vu le shipping, souvent. Mm-hmm, shipping, c'est souvent ça qui arrive. Hein. Dépendant d'où ça provient, c'est cher. Exactement. Des fois. Alors, on commence avec des montres. Étrangement, Tania, je sais pas si, comme moi, tu as vu passer ça sur Facebook, mais il y avait une publicité d'une compagnie qui vient d'ouvrir ou je sais pas trop quoi, et ils offraient une quantité limitée de montres gratuitement. Ça me dit quelque chose. C'est Luke and Lorenzo. J'ai utilisé, bien sûr, l'opportunité que j'avais Mais pour oui. commander une montre qui valait comme 70$. Ça disait que ça pouvait prendre plusieurs semaines, même plusieurs mois à arriver. Ouais. Je suis encore en attente, mais je vais vous en reparler si ça fonctionne. OK. J'ai bien hâte de voir parce que c'était une offre promotionnelle gratuite avec seulement 10$ de shipping pour une montre. D'accord. C'est quelque chose. C'est fou, spécial. Ça. On aime ça. Je vous tiens au courant. Luke and Lorenzo. Mais la raison pour laquelle je parle de cette anecdote, c'est pour arriver sur les choses à acheter. Pour commencer, une montre fabriquée avec du fromage suisse. Oh! Donc, c'est une compagnie de fabrication de montres, voilà, mm-hmm. qui a créé une montre faite avec du fromage suisse. C'est une manifestation pour montrer comment c'est facile d'avoir une étiquette fabriquée en Suisse. Donc, c'est une compagnie de luxe qui s'appelle H. Moser & Company. Qui donc a montré son design laitier. On dit que c'est une montre 100% suisse. C'était à la foire annuelle des montres à Genève pour montrer comment les règles par rapport à tout ce qui est fabriqué en Suisse sont vraiment lousses. Donc la montre est faite à 100% de fromage suisse. C'est pris de vache localement. Local, c'est ça. Ouais. Et la montre en tant que telle est faite de résine mélangée avec du fromage Vacherin Mont d'Or. D'accord. Et on dit que la désignation fabriquée en Suisse veut tellement rien dire que la compagnie dit que c'est ridicule de laisser passer ça. Ben oui. 90% des composantes peuvent être fabriquées en Asie, mais la montre va quand même avoir l'étiquette fabriquée en Suisse étant donné le fromage à l'intérieur. Ah! Voilà. C'est une bonne idée. Donc, les règles qui existent depuis le 1er janvier dernier demandent à ce que 60% de la valeur d'une montre vienne de Suisse pour pouvoir avoir l'étiquette fabriquée en Suisse, comparé à 50% avant. Il y a quelques petites échappatoires en tourloupette qui permettent différentes choses. Donc, c'était une façon de manifester contre ça. Ensuite, toujours dans le produit laitier. Oui. On parle de butter sprayer. Qu'est-ce que tu penses que c'est du butter sprayer? Du spray à beurre. Du spray en beurre. Oui. Du spray en beurre. Donc, c'est la technologie. On est rendu là maintenant. Donc, le Beam Butter Sprayer, qui est une façon de tartiner son beurre avec un spray. C'est un ustensile de cuisine qui performe donc des trucs chimiques, de l'alchimie sur un bâton de beurre et le transforme en spray aérosol pour mieux assaisonner votre popcorn, graisser votre poêlon, ben oui, mettre de la saveur sur votre pain, peu importe. Donc, c'est un gadget qui utilise une technologie avancée, dont un accéléromètre pour automatiquement s'allumer. Il y a un réchaud pour mieux faire fondre le beurre et il y a une pompe à air pour envoyer le spray sans avoir besoin de petites canisses de CO2. Honnêtement, ça doit bien aller pour le blé d'œil. C'est vrai. T'as raison, t'as la salière, t'as ton spray, ouais, à beurre. Tu dégaines. Exactement. T'es en business, là. Donc, BM, c'est un projet Kickstarter qui a été backé, comme on va dire, il y a plus d'un an. Ils avaient manqué leur première sortie prévue pour septembre 2016, étant donné qu'il y avait des problèmes de production. On dit que c'est un cauchemar médical, c'est-à-dire un appareil qui va faire que ça va être de plus en plus simple d'ajouter du beurre à notre régime. D'accord. Ouais. C'est le rêve de tous les amoureux du beurre. Le BM est disponible en précommande pour $130 directement sur son site web qui est bmspray.com, B-I-E-M-spray.com. Il n'y a pas encore de date pour le shipping, malheureusement. Ensuite, on parle de fermentation, un appareil de fermentation pour la cuisine. Je me rappelle avoir glissé un mot là-dessus il y a quelques temps. On a plus de détails maintenant. Donc, la fermentation, c'est un procédé naturel, mais complexe, à maîtriser si on veut obtenir un breuvage alcoolisé intéressant. Les producteurs de vin et autres brasseurs le savent. Et maintenant, il y a la machine Alchema qui veut vous simplifier la tâche. Ça ressemble à un appareil comme un petit électroménager, une machine à pain, quelque chose comme ça, mm-hmm, un cuiseur vapeur. L'engin trouvera donc parfaitement sa place dans votre intérieur. Avec son processus entièrement automatisé, sa connectivité Wi-Fi et son application mobile dédiée, vous aurez toujours un œil sur l'avancement de votre breuvage, principalement du cidre. Alchema propose plusieurs recettes comme base de travail et si vous êtes intéressé, on peut en précommander un pour $430 contre $500 à sa sortie officielle qui est prévue à l'automne là, 2017. Ah, oh, ça c'est le fun. Ça sort bientôt, donc le Alchema. Ensuite, on reste dans l'alcool, on veut purifier notre vin pour le sublimer. Tu vois, moi, je connaissais même pas le mot sublimer pour le moi vin. Moi non plus. Ouais. Les accessoires autour du vin, il y en a des tonnes, des carafes à décanter, des trucs comme ça. Donc, Hulot en fabrique de ça. Ici, on essaie de purifier le vin. Hulot qui utilise un savant système de filtre pour restaurer le goût naturel du vin. La technologie propriétaire Selective Sulfite Capture supprime notamment les sulfites de votre vin tout en plaçant, donc vous allez juste avoir à placer votre verre sur votre verre, cet appareil-là, ou sur votre carafe, verser le vin et ensuite ça va purifier votre vin. Les avantages à procéder comme ça, c'est que le vin est plus pur, débarrassé des sulfites qui sont ajoutés comme agent de conservation et des sédiments et ensuite aéré. Selon certains, ça permettrait même d'éviter les gueules de bois. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Donc, le Hulot Wine Purifier est en précommande pour $80. Les premières livraisons sont attendues pour... étaient attendues pour l'année dernière, donc c'est déjà sorti. OK. C'est officiel, hulotwine.com, U-L-L-O-W-I-N-E.com. Ensuite, on reste dans l'alcool avec le Bartesian, qui est un genre de Keurig pour les cocktails. OK. Machine pour servir un seul cocktail à la fois. On nous dit que ça fonctionne comme les machines à café avec des capsules ou comme les gens insistent à dire les dosettes, mais comme je t'ai déjà dit, je refuse d'embarquer dans le mot dosette. Dans ce mot-là. C'est vraiment affreux. Donc, les capsules. La machine doit être remplie d'eau. Bartesian vous demande de remplir ça avec des spiritueux de base, comme c'est de vous que vous devez fournir votre vodka, rhum, gin et tequila. Et ensuite, vous mettez une capsule de saveur et ça s'occupe du reste. Tout ce qu'on a à faire, c'est choisir la puissance de l'alcool et appuyer sur un bouton. Au lancement, on peut fabriquer 6 cocktails classiques, comme une margarita ou un Cosmopolitan. Évidemment, on veut que la ligne prenne de l'ampleur avec le temps. Ça coûte $250 pour avoir un Bartesian avec 12 capsules et puis un extra de $20 pour un emballage de 12 capsules de plus. Bref, il y a plusieurs façons de payer pour ça. C'est sur Kickstarter en ce moment. Je vais aller voir comme toujours pour être déçu. Tu sais comment je suis déçu quand je vais voir sur Kickstarter? Ouais, c'est ça qui arrive. Non, encore possibilité de précommander. Avec 355 contributeurs, ils ont réussi à ramasser $115,000. Oh! C'est un succès pour le Bartesian. Ensuite, Les livraisons de UPS par carte de golf sont maintenant légales dans le Kentucky. Hein? UPS teste une livraison de paquets, de boîtes, de colis. Une nouvelle loi dans le Kentucky permet aux paquets d'être livrés par carte de golf sur les routes publiques. Donc, en théorie, UPS peut commencer à utiliser ses cartes de golf spéciaux pour faire des livraisons depuis les derniers jours. En fait, on parle du au début de l'été, mettons. Ouais. Les chauffeurs de la compagnie, les conducteurs ne sont pas très, très heureux par rapport à ces nouveaux véhicules-là. Par contre, on dit que les cartes de golf sont inclus dans le contrat syndical des conducteurs de UPS. Jusqu'à maintenant, les livraisons utilisant ces cartes-là étaient limitées à des endroits comme des communautés de retraite en Floride, où les gens se promènent surtout avec des cartes et que les chemins, bien sûr, qui n'accommodaient pas les voitures. Par contre, les représentants du syndicat disent que même si les cartes sont rétrofités, comme on appelle, avec des ceintures, des clignotants et tout ça pour rendre ça comme un vrai véhicule, si on veut. Et ça va aussi avoir un petit collant qui dit genre véhicule qui bouge lentement. Ça pourrait quand même ne pas être sécuritaire pour les conducteurs, disent-ils. Ah bon? Les cartes ont une petite surface plane pour les paquets. Ils peuvent transporter un petit trailer en arrière, voyager environ 15 miles à l'heure. Chaque charge fait que le kart peut faire 40 miles de distance. Mmh. Ils opèrent dans des endroits oui, où la limite est en dessous de 35 miles à l'heure. Donc, on va aller voir en kilomètres, 56 environ kilomètres heure. Et ça dit que les conducteurs à temps partiel de kart vont faire moins d'argent à l'heure que ceux qui conduisent des camions de livraison de UPS. Donc, ça pourrait ne pas fonctionner, c'est peut-être un test, on va voir. Moi, c'est ça. UPS dit donc avoir un centre de tri dans le Kentucky et c'est un employeur majeur dans l'État. Ils ont fait du lobbying au gouvernement de l'État pour rendre les cartes légaux. Et le but est d'avoir plus de flexibilité pendant la saison des fêtes. Donc, ce serait en addition, en surplus des camions, tu aurais aussi des cartes avec des employés peut-être à temps partiel, moins payés cher. Ah, c'est bien. Ensuite, Target teste encore une fois le ramassage des colis ou des livraisons des commandes en ligne. Donc, Target n'est pas nouveau dans ce genre de programme-là. Ils avaient fait un programme pilote il y a quelques temps et ça avait été un échec. Mais ici, par contre, on a dit que le Minneapolis Star Tribune qui nous raconte que les magasins Target des Twin Cities aux États-Unis vont tester donc un ramassage sur le bord de la rue avec les employés. Donc, comme des services similaires dans d'autres magasins, les gens vont placer une commande via l'application ou le site web de Target. Ils vont ensuite se rendre en voiture jusqu'au magasin, se stationner dans un endroit dédié à côté du magasin et un employé va venir livrer les articles dans leur véhicule. Mon Dieu. Pour l'instant, le service ça semble un peu sketch, par contre. Je t'avoue que pas trop sûr. Au moins, c'est pas dans une ruelle. Oui, c'est ça. OK, t'as raison. C'est en avant du Target. C'est vrai. Pour l'instant, le service est seulement ouvert aux employés. Donc, c'est un test. C'est disponible dans Minneapolis, Roseville et Maple Grove. Et un représentant de Target dit que la compagnie espère que ce service-là va pouvoir être disponible pour le reste des gens dans les mois à venir. Ensuite, ça me... Tu parlais de sketch tantôt, là. Ça, c'est particulièrement sketch. Tu peux acheter sur Internet des rouleaux de papier de toilette, mais sans le tube. Hein? Sans le tube. Pourquoi? Ben, parce que tu sauves l'environnement. Ah, ben oui. OK, excusez. Et c'est moins cher un peu. Oui. Donc, 48 rouleaux de papier de toilette sans tube pour 12$ ou encore 11$ si tu utilises le Subscribe and Save aux États-Unis. C'est un coupon de 20%, quelque chose comme ça. Donc, je sais pas comment... est-ce que ça tient sur ton... Je sais pas, hein? Parce que j'ai de la misère à comprendre. On le voit, le tube, on le voit sur l'image. Ouais. Il est mou dans le milieu. Exact. Je sais pas, là. Comment tu fais pour le faire tenir, un... Peut-être que tu n'as pas besoin de le faire tenir. Peut-être que tu l'utilises dans un petit panier ou sur le bord de la toilette, quelque chose comme ça, et tu économises plein de rouleaux. Mais qu'est-ce que tu vas donner à ton chat pour qu'il joue? Oh! S'il n'y a pas de rouleau dans le milieu. C'est pas fou? Je sais pas. Est-ce que tu achèterais ça? Pas certaine. Moi non plus, mais pour l'environnement, peut-être. Peut-être, peut-être. Cut tube free. Voilà. J'y penserais. Ouais. Surtout s'il y a un rabais substantiel. Oui, exactement. Bien sûr. C'est bien beau l'environnement, mais. Quand même. On veut les deux. On veut les deux. C'est ça. Est-ce que tu t'ennuies de l'époque où on avait des caméras qu'il fallait amener au magasin pour les faire développer, puis après ça, tu devais attendre plusieurs jours? Ouais. Est-ce que tu aimerais revoir ça dans ta vie? Peut-être. Il y a une application qui s'appelle Goodak. Okay. Une application de caméra analogique qui vous fait attendre 3 jours pour avoir une photo. Ah! Cool, hein? Donc, Goodak, qu'on retrouve sur assemblagerequis.com en lien, G-U-D-A-K, développé par une start-up coréenne, Scoobar. Goodak vous donne un rouleau de 24 photos que vous pouvez voir via un petit viewfinder. C'est pas mal pareil comme un Kodak jetable dans le temps. Et quand tu as fini de prendre tes 24 photos, tu prends ton rouleau et tu l'amènes dans le laboratoire de l'application où ça va se développer pendant 3 jours. Il faut attendre 12 heures avant de pouvoir recommencer un nouveau rouleau. Hein? Okay. Vous pouvez aussi changer la date de votre téléphone, comme ils disent dans l'article, pour tromper l'application, mais là, rendu là, hein, on triche, là, c'est pas bon. Bref, les photos sortent comme des photos Kodak, avec un petit filtre à la Instagram, comme on connaît de nos jours. L'application qui est mise à jour régulièrement, nous dit-on. On peut télécharger ça sur le App Store pour 99 cents, donc 1,29$ sûrement au Canada. Pour l'instant, seulement sur iPhone, peut-être un jour sur Android. Donc, j'ai eu DAK, si vous voulez prendre des photos rétro. Ouh! Ensuite, des fois, on parle de casques pour le vélo, on parle de casques qui sont laids, on parle de casques qui peuvent filmer devant toi, des trucs comme ça. Bon, ici, on a un casque appareil de communication. OK. Transformez votre casque de vélo en quelque chose de plus intelligent avec le Ahead Helmet Communication Device. Donc, c'est un appareil compact qui s'attache à l'extérieur de votre casque. Et sa beauté, en fait, c'est un appareil de communication sans haut-parleur. Donc, la technologie brevetée utilise un oscillateur pour envoyer la transmission à travers la surface du casque pour changer le casque lui-même en haut-parleur. Il y a un microphone et une technologie de capture de voix dans l'appareil. Et on peut utiliser Siri pour faire tout ce qu'on veut dans son casque de vélo. Donc, tu pourrais changer de pièce, appeler quelqu'un, envoyer un message texte via ton casque. Quand même pas pire. C'est bien. C'est bon, t'sais, c'est pas... juste pas l'air cute. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est pas très, très beau parce qu'on dirait que tu t'es rajouté un détecteur de fumée à ton casque de vélo. C'est ça. Mais bon. Ensuite, on parle de coussins, en fait, en serviette de plage. Vous pouvez amener la plage... chez vous, ben, c'est pas mal ça, avec le Sandusa Beach Towel Bean Bag. Donc, c'est une création unique qui mélange un sac de poids, les petits sacs de... poids. Ben, c'est ça, les sacs de poids. Ouais. Mélangé avec une serviette de plage. Donc, c'est en coton 100% avec un nylon à l'épreuve de l'eau à l'arrière pour empêcher le sable et tout ça de s'inviter sur toi quand tu vas à la plage avec, parce que c'est une serviette en même temps, hein, tu peux l'amener à la plage. Ça vient en plusieurs couleurs, deux grandeurs, junior et boss. Le deuxième est deux fois plus large que le premier. Ça vient vide. Mm-hmm. Donc il faut que tu achètes tes propres petites... Petits pois. Aïe, aïe, hein? $70 US pour juste la serviette coussin. Pas sûr, hein? Pas certain, non. Ensuite de ça, Moby Mart, ça a l'air trop beau pour être vrai, comme nous dit Uncrate.com, c'est un magasin sur roue qui vient à toi. Après avoir amené la plage à toi, comme au pavillon Albert Tessier, oui, en ce moment à l'UQTR. Donc, Moby Mart, c'est un magasin mobile sans aucun employé et c'est complètement autonome. Ça offre du lait, des médicaments, des vêtements, même des appareils électroniques sur demande avec une application qui non seulement va amener le magasin à vous, mais va aussi servir de caisse, donc pour payer. Développé par Wheelies en collaboration avec Hi-Fi University et Imalafi, le Moby est aussi self-powered, donc se s'emmagasine de l'électricité lui-même en utilisant des panneaux solaires pour donner de l'énergie à son moteur. Il y a aussi un purificateur d'air intégré qui nettoie l'air autour, donc ça, c'est super écologique. La compagnie estime que chaque magasin va coûter moins de $100,000 et le concept est présentement en test à Shanghai. Un magasin que tu commandes, à la place de faire livrer le produit, tu fais livrer le magasin à toi. Ouais, mais là, à quoi ça te sert? Effectivement, je sais pas. Mais une fois que le magasin est rendu à sa place, les autres peuvent aussi en profiter. Fait ouais. C'est comme peut-être communautaire un peu. OK. À la place de recevoir une boîte, tu reçois un magasin, puis tous tes amis, tu sais, ils vont faire le party là-bas, devant le magasin 24 heures. Pill pack. Prendre des médicaments, quand on a plusieurs à prendre, ça peut être difficile. Oui. Moi, je sais que j'ai de la misère. Si j'avais pas une application que j'ai changée récemment, j'ai changé d'application de médicaments qui m'envoie une notification à chaque minute. Tellement que faut que j'aille ça, sinon j'y prendrai pas, je le sais. Donc, Pill Pack essaie de rendre ça un petit peu plus facile pour tout le monde. C'est un service de pharmacie en ligne qui vous livre un rouleau personnalisé de médicaments préclassés. Il livre ça chez vous à chaque mois, aux États-Unis, bien sûr. Ben oui. Donc, chaque sachet de pilule est étiqueté avec l'heure, la date et les notes, genre, pas le prendre avant un repas ou pas avant de se coucher. Bon. Et tout ça, c'est dans un distributeur pratique. D'autres médicaments donc ne peuvent pas être rajoutés à ça. On peut seulement prendre les médicaments qu'on a commandés, qui sont dans l'emballage. Si on a des liquides à prendre ou des pompes à prendre, ça va être aussi inclus, mais à part dans le paquet. Okay. Il y a un logiciel en ligne qui s'appelle Pharmacy OS qui rend ça facile à gérer, vos prescriptions, vos refills, vos renouvellements, etc. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de prix, mais ça s'appelle Pill Pack. Ça vient avec une petite application super cute et des petits cartons, des petits papiers pour vous dire quand les prendre et les cocher, etc. T'as un code barre dessus, c'est super bon. C'est cute. Ensuite, les fidget spinners. Ah, oh, mon Dieu. Ouais, à chaque semaine, depuis quelques temps, on parle de fidget spinners parce que c'est bien, bien à la mode. Mais à un moment donné, de transporter son fidget spinner dans sa poche, c'est plate. Tout en oui, fait de perdre okay, partout. Ok, je sais pas, j'imagine. J'imagine. Donc, ils te font un étui pour iPhone qui a un fidget spinner intégré. Ah, rien de moins. Même quand c'est rendu que le magazine Séjour inclut un fidget spinner en plastique gratuit dedans, tu sais que c'est, ça a dépassé c'est la limite. C'est vrai. C'est vraiment rendu trop populaire. C'est même pas dans le magazine cool. Non, c'est le Séjour. Hey. C'est incroyable. Donc, le fidget spinner iPhone case, pratique pour protéger votre téléphone et garder vos doigts occupés et votre cerveau aussi. Hein. Donc, c'est un case, un étui assez mince avec un fidget spinner collé en arrière, là, avec une petite bosse pour qu'il y ait un espace entre le fidget spinner et le iPhone lui-même. On peut utiliser le fidget spinner directement attaché à l'étui en mettant le téléphone sur la table, par exemple, ou en le spinant pendant que tu tiens ton téléphone. Ils disent que les bearings, comment t'appelles ça, bearing en français? J'appelle ça un bearing. Les bearings, c'est ça. De très haute qualité qui peuvent spinner pendant 3 minutes. Oh, wow! J'imagine aussi que tu pourrais tenir ton fidget spinner et faire tourner le téléphone. J'imagine, ouais. Je sais pas. Mais tu deviens un petit peu plus gossant à ce moment-là. Peut-être. Hein. On dit aussi que le fidget spinner lui-même est détachable de la base. Oh mon Dieu, oh, le mon rêve Dieu. De tout amateur de fidget spinner. C'est incroyable. Donc peut-être que vous pourriez être un parent, je sais pas, avec votre fidget spinner sur votre téléphone et votre enfant veut jouer avec le téléphone. T'as le contrôle. Ouais, non, je te parle juste mon fidget spinner, pas le téléphone. Tu sais? Ou prendre juste mon téléphone pour avoir le fidget spinner. Mais là, c'est le parent qui est prêt avec le fidget spinner. C'est ça. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Allez voir sur assemblagerocket.com pour le lien. Ensuite, on va... la paresse, c'est cool, mais là, on essaie d'amener la paresse à un tout autre niveau. C'est une compagnie japonaise qui s'appelle Nidec qui a inventé un appareil très, très paresseux. C'est une... c'est un ouvre-bouteille contrôlé par téléphone cellulaire. OK. Ouais. Donc, ça se connecte via Wi-Fi avec un petit affichage LED. Tout le monde va être impressionné quand vous allez ouvrir une bouteille sans même y toucher pour vous désaltérer. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. La bouteille s'ouvre seule. C'est comme ça, hein? Ouais, Nidec. Ensuite, est-ce que ça t'arrive des fois quand, je sais pas, quand tu rentres dans une pièce chez quelqu'un et que tu te demandes tout le temps, bon, est-ce que je dois tourner la poignée? Est-ce que je dois pousser? Oui, ben oui, ça m'arrive souvent, ça. Des fois, bon. Donc, voici la Push-Pull Rotate Doorknob qui s'ouvre de 3 façons. Hein? Okay. Quand tes bras sont remplis de sacs d'épicerie, de lavage ou peu importe, c'est vraiment gossant. Ah mon gosse, Dieu, hein? Y a-t-il quelque chose de plus tannant que ça? First world problems. Exactement. Donc le Brinks Home Security Push-Pull Rotate Door Lock est la solution. C'est donc une poignée de porte main libre qui peut être ouverte de 3 différentes façons. Donc pousser, tirer et tourner comme une poignée traditionnelle. Ça vient avec t'as différents styles de levier, différentes couleurs. Brossé, nickel, bronze, etc. Et vous pouvez voir la démonstration sur assemblagerocket.com dans la petite vidéo de Push Pull Rotate par Brinks Home Security. C'est bien. On n'aille pas ça. Ensuite, c'est un ensemble de Lego modulaire, donc en plastique, les petits blocs Lego, bien sûr, pour faire des chats en Lego. Ben oui, c'est disponible de la compagnie J-E-K-C-A. Mm-hmm. C'est donc des blocs style Lego, ça vient de Hong Kong, mais c'est pas la marque Lego. T'imagines, t'arrives chez quelqu'un puis il y en a plein. Il y a un chat en Lego puis en plus il le traite comme un vrai chat. Genre tu fais quoi? Cours. T'as peur, ouais. Va-t'en. J'espère que c'est pas ta première date. Entre 67 et 87 $ dépendant du style. Évidemment, si vous avez un vrai chat, le chat va adorer ça. Jouer avec l'autre chat. Oh mon Dieu. Il donne des petites taloches. Ping ping. Ping ping. Ping ping. Allez voir ça, il y a des chats de différentes couleurs, là, un petit chat roux, un petit chat gris, un qui s'étire, l'autre qui est assis. C'est bon. Il y en a ça à la table. Ils mettent ça à la table. C'est pas correct, ça. Ouais. Ensuite, t'aimes le Tetris, des fois? T'aimes ça jouer à Tetris? Mm-hmm. T'aimes ça jouer à Jenga? Mm-hmm. Si tu mélangeais Tetris et Jenga ensemble... Ça serait merveilleux. Ce serait le plaisir multiplié. Donc, Tetris, Jenga, à la place de simplement... comme quelqu'un dans l'ancien temps l'empiler des morceaux de bois rectangulaires. Oui. À la place, les gens vont empiler des morceaux de Tetris. Oh, des L, des T, des Z, peu importe. Il y a bien plus de chances que ça tombe de même, par exemple. Vraiment, mais c'est ça le défi. Quand ouais, t'es rendu trop bon au Jenga. Exactement. Quand t'es rendu trop beau au Jenga. Quand t'es rendu trop beau, là. 19 $ canadiens, c'est vraiment pas cher, en plus. Ouais, c'est vrai. Ensuite, un système de tablette pour votre salon, mais un petit peu, je dirais, plus cheap qu'une vraie bibliothèque. T'sais, quand t'as pas le budget pour t'acheter une bibliothèque, t'aimerais ça pouvoir utiliser des boîtes de carton pour mettre tes affaires à place. T'sais, c'est moins cher. Oui. Ça peut être beau quand même. Dans la photo, c'est quand même beau. C'est des boîtes de carton, mais qui sont faites pour être empilées une par-dessus l'autre et elles ont un look un petit peu rouage. Ouais, c'est ça. Je dirais. Donc, ils s'emboîtent, là, presque comme des Legos. on pourrait dire. Et il y a différentes couleurs, donc tu peux empiler différentes, différents styles de boîtes. Peut-être bon, en mettre 4 sur la rangée du bas pour mettre des souliers ici. Ensuite, ils en ont mis 3 par-dessus. Ensuite, 4 autres, 3 autres et 2 autres. Tu peux faire une pyramide, tu peux faire pas mal tout ce que tu veux. Mm-hmm. Mettre à peu près n'importe quoi. C'est fait de carton très résistant. Ça peut être placé dans n'importe quelle configuration. Tout ça pour seulement 70$ canadiens. J'aime bien l'idée. C'est pas mal beau, ça. C'est cute. Je sais pas pour la poussière que ça accumule, par contre. Ah, je sais pas, hein, moi. Ensuite, on essaie de soulager notre tension et mieux dormir avec le Relax Pro par la compagnie Think. Ça a de la difficulté à dormir que tu te sens anxieux, donc Relax Pro par Think est une façon sans médicaments et quand même pas trop cher de te soulager. Donc c'est un appareil qui, nous dit-on, stimule vos nerfs pour déclencher un mécanisme naturel dans ton corps qui signalise à votre système nerveux autonome de permettre à ta tête, à ton esprit et à ton corps de se relaxer. My God, OK. Donc, sélectionne un programme de neurostimulation via une application, évidemment. On place le pod, la dosette, sur à l'arrière de son cou. L'appareil coûte 149$ US. On peut choisir de payer par mois pour un programme de neurostimulation et des pads qui coûtent, on dit, 29$ par mois. Ou sinon, le plan sur 12 mois qui coûte 19$ par mois à la place. Et puis on peut dépenser 430$ pour avoir un abonnement à vie, évidemment, jusqu'à temps que la compagnie fasse faillite. Ben oui. Hein? Tu vas avoir assez de pads pour 100 sessions, hein, ce qui n'est pas nécessairement ta vie au complet. Non. C'est genre 3 mois. C'est ça. Une fois par jour. Bref, tous les plans viennent avec une garantie de 30 jours. C'est sur think.com, thync.com, pour avoir les informations de ce gadget qui, comme le dit The Gadget Care, est un peu trop beau pour être vrai. Mais bon. C'est vrai. Le Think Relax Pro, des pads à utilisation multiple. Ben, voilà, on a passé au travers de nos 20 gadgets. Ça a bien été. Ça a très bien été. Ce fut pas trop douloureux pour personne. Non, en effet. Alors, on prend une pause au retour. À ton tour, Tania. Ah oui. Tania is gonna entertain you dans 2 minutes. C'est assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Toujours à la Sondage Rocky pour la semaine du 21 août 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera Tania et Scanner Virginia. Mais avant ça, on va entendre une autre nouvelle entrée qu'on n'a pas encore entendue. Oui. Des palmarès anglophones, c'est celle de Timber. Est-ce que tu me parles de Velvet Gloves is Pit? Exactement ça. Exactement ça. Puis ça c'est commence ça. Là. OK. Timber. À Sondage Rocky. I could not release the inspiration till you asked me to. Came at your body relentlessly throughout the year. Or too far away, too near the shore, this honeymoon. I was a stranger, too familiar and not enough. But I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit in your embrace. And I wanted nothing else. The haunted hotel room, the two-bit man child. I could not simply fall asleep next to you every night. Our castle in the sand, built too high too soon. And under waving palms and waving sails and waves, goodbye. Well, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. I recall velvet gloves and spit and your embrace. Oh, I once saw the touch of your velvet hand upon my face. But I recall velvet gloves and spit and your embrace. Then I wanted nothing else. Gloves and spit. Oui, des gants de velours et du crachat. Oui, rien de moins. Sur l'album Sincerely Future Pollution, assemblage requis. Maintenant, j'avertis les gens avec un estomac sensible. D'accord. Parce que je vais chanter. Ah, oh, mon Dieu, oui, faites attention. Voici Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna Tania! Ok, oui, là, on est dedans, on est dedans. Tania, tu as deux chroniques encore une fois aujourd'hui. Oui, exactement. Je sais que tu vas nous parler de finances et de femmes. Exactement, je vais commencer par les femmes, Mathieu, parce voilà. Que je sais que... Les femmes de bord, comme on dit. Probablement que ça t'intéresse plus que l'argent. Ouais, égal. Ah, égal, mon Dieu, ok. Quoi? C'est correct. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle s'envoie en l'air, Mathieu. Ben oui, mais j'aime ça. Mais pour de bonnes causes. Ben oui. Alors, je vais tout simplement commencer en vous disant que je vais vous parler de trois femmes dont j'ai appris à en apprendre un petit peu plus. Tu as appris à en apprendre un petit peu plus. Exactement. C'est bien dit. En faisant mes Ça va directement dans le démo, cette phrase. J'espère. J'ai pas fait ça pour pas que ça aille dans le démo. Donc, de cette façon-là, je vais vous parler de trois femmes qui sont quand même assez très inspirantes et qui se lancent en l'air une fois de temps en temps, pas mal plus souvent que toi puis moi, probablement. Ah ben ça, pas dur à battre. Parce que... mais parce qu'en fait, elles ont tous quelque chose à voir avec l'air. Qu'est-ce qu'elles font exactement et pourquoi est-ce qu'elles sont si inspirantes? Ben, la première dont je veux vous parler, c'est une jeune Canadienne dont on devrait entendre probablement plus parler dans les prochains mois, qu'on a peut-être pas assez entendu dans les derniers mois non plus. C'est que là, elle parle d'elle. Non, je parle pas moi. Ben oui, j'ai tout à voir avec l'air. Je parle de Jennifer Saidé. Est-ce que tu sais qui c'est? Non. En fait, Jennifer Saidé, c'est une fille de Calgary, au Canada. C'est une ingénieure en mécanique. C'est une chercheuse en combustion. Mm-hmm. Elle est astronaute de l'Agence spatiale canadienne depuis maintenant quelques mois. C'est la prochaine Julie Payette. Eh bien, c'est notre prochaine Julie Payette, wow. Oui. Donc, elle a fait un doctorat en ingénierie du côté de la combustion. Elle a travaillé au département d'ingénierie de l'Université de Cambridge. Puis en 2017, là, ça s'est fait cette année, eh bien, elle fait partie maintenant des deux nouveaux candidats canadiens avec Joshua Kotrick qui ont été retenus par l'Agence spatiale canadienne pour former le quatrième groupe d'astronautes qui va être sélectionné par l'Agence spatiale. Donc, dans pas long, on devrait, pour sa part, aller s'envoler vers probablement la Lune. Mais on va passer beaucoup de temps aussi en simulation. Donc, on va passer beaucoup de temps dans les airs. C'est sûr que j'ai dit qu'il y avait l'estomac sensible quand je chante. Là. Oui. Si on le cœur qui lève pendant que je chante, imagine comment ils vont avoir le cœur qui vont leur lever pendant ces affaires. Ça doit être fou, hein? Ugh. Oh, mon Dieu. Non, pas pour moi. Non, c'est ça. Donc, c'est une Canadienne. Elle est née à Calgary, dans la province d'Alberta, au Canada. En 2011, elle a décidé d'obtenir son baccalauréat en génie mécanique avec une spécialisation à l'Université McGill de Montréal, ici même au Québec. Donc, on peut quasiment dire que c'est une Québécoise d'adoption. Voilà. Et pendant ses études en baccalauréat, elle a fait des recherches sur la propagation des flammes en microgravité en collaboration justement avec l'Agence spatiale canadienne. C'est pas une deux de pique. Mm-hmm. Je crois que c'est pas mal de quoi elle parle. Probablement plus que toi puis moi si on se met à parler d'espace ou de microgravité. La seule expérience que j'ai avec la microgravité, c'est quand la vis lâche puis que le micro tombe sur la table. C'est ça. Ça, c'est la microgravité. Exactement. Même chose pour moi. Ou quand on parle devant le micro puis on a un postillon qui part, ben, ça peut être calculé comme la microgravité, tout dépendant de la vitesse à laquelle ça tombe, j'imagine. C'est quoi, Velvet Gloves and Spit? C'est ça, exactement. Tombe, hein? Donc, par la suite, après ce baccalauréat-là, du côté du Québec, du côté de l'Université McGill, mais on a déménagé au Royaume-Uni. Oh. On a décidé d'obtenir un doctorat cette fois-ci en ingénierie à l'Université de Cambridge. Et les principaux travaux de recherche ont porté justement encore une fois sur la combustion. Donc, c'est sûr que c'est une fille qui était déjà pas mal passionnée par l'idée d'aller un jour sur la Lune. Et avant de prendre part au programme justement spatial canadien, elle a été chargée de cours en moteur à combustion interne au département de génie de l'Université du côté de Cambridge. Ses recherches portaient encore une fois sur les flammes, sur la façon de les empêcher aussi d'émettre des polluants qui vont être nocifs, surtout en espace, mais surtout ici pour notre chère petite planète. Elle a enseigné à des étudiants de premier cycle après avoir terminé ses études au doctorat dans la section énergie, entre autres, et mécanique des fluides et tout ça. Et par la suite, elle a agi comme modèle pour les jeunes femmes qui envisageaient une carrière soit scientifique ou technique. Et c'est pour ça qu'on se lance dans les airs un peu aussi pour une bonne cause. C'est qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des milliers des femmes canadiennes, québécoises qui s'intéressent à l'univers spatial et à ce genre de recherche-là, combustion, flammes, tout ça. C'est dommage. Donc, qu'il n'y en ait pas plus que ça. Ben, c'est ça, c'est un petit peu une belle chose, en fait, que ce soit une nouvelle Julie Payette qu'on ait devant nous, parce que Julie Payette a amené quand même une première vague de femmes qui se sont intéressées au domaine. Ça va inspirer de nouvelles. Là, on en a une autre. Oui, elle est jeune, en plus. On n'a même pas encore 30 ans. On a 29 ans. Donc, c'est très inspirant. Et elle est cofondatrice de la section de Cambridge du côté du Royaume-Uni. C'est une organisation internationale qui est dirigée par des étudiants qui veut justement inciter les jeunes femmes à étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques aussi à travers des activités qui sont amusantes, qui sont éducatives. Mais on commence à travailler avec ces jeunes-là très, très jeunes pour justement leur peut-être lancer un petit peu d'idées là, dans la tête comme quoi on peut faire de grandes choses, même en étant des femmes. Oh. Alors, de cette façon-là, et surtout avec cette action-là, ben, elle a pu enseigner la programmation à plus de 3000 jeunes femmes, jeunes filles surtout du côté du Royaume-Uni, par rapport à l'espace, par rapport à la science, les côtés mathématiques et tout ça. Et comment est-ce qu'on s'est ramassé à être dans le programme spatial canadien? Bien, c'est une des deux nouvelles recrues qui ont été sélectionnées en juillet dernier, donc en 2017. Et c'était la quatrième campagne de recrutement d'astronautes canadiens depuis le début de l'année. Peu de temps après sa sélection, elle a déménagé au Texas pour justement débuter sa formation d'astronaute qui va durer 2 ans. Donc, on devrait terminer en 2019 parce que ça va commencer sous peu. Et la seconde recrue, bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est Joshua Kotrick qui, lui aussi, vient de l'Alberta, qui est un... un Canadien, mais c'est un homme. Ils font partie tous les deux de la classe d'astronautes de 2017 de la NASA. C'est vraiment cool. Et la formation d'astronaute, ça comprend des séances d'information scientifique, technique, de la robotique, une formation de pilotage, l'apprentissage du russe, tout ce genre de choses-là dont on a déjà aussi discuté dans une ancienne chronique. Mais de pouvoir arriver à le faire à seulement 29 ans, en étant recruté comme ça, comme pour l'Agence spatiale canadienne, avec un passé comme le sien, c'est très inspirant pour plusieurs jeunes. Donc, elle a reçu le prix de la jeune ingénieure de l'année of Engineering and Technology en 2016 seulement. Donc, ça fait pas super longtemps, mais c'est vraiment tous ces accomplissements-là d'une jeune ingénieure qui a fait en sorte qu'on a été recruté du côté de l'Agence spatiale canadienne. Et c'est vraiment le fun. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez la suivre sur Facebook, vous pouvez la suivre sur Instagram. Mais c'est pas dans la vraie vie. En étant scientifique, t'en as un petit peu moins à mettre sur les réseaux sociaux. Mais il y en a beaucoup qui gagnent à se faire connaître de cette façon-là. Donc, bien évidemment, avec la langue qu'elle a, l'anglais, elle parle le français de base parce qu'elle a quand même habité à Québec. Elle va apprendre le russe. Donc, ça amène quand même une panoplie de gens qui peuvent la suivre et qui peuvent en apprendre beaucoup plus sur elle. Mm-hmm. Ça va être très intéressant aussi de la suivre sur Twitter. Sachez-le, vous pouvez le faire. Et comme je disais, bien, on a eu plusieurs distinctions, on a eu plusieurs engagements aussi à ce niveau-là. Donc, ça devrait être très intéressant de voir où notre Canadienne va pouvoir aller dans quelques années. Est-ce qu'on va se rendre sur la Lune? Est-ce qu'on va faire d'autres choses du côté de l'Agence spatiale canadienne? Je pense que c'est une bonne modèle pour certaines jeunes filles canadiennes. Absolument. Rappelle-nous son nom, s'il te plaît. Oui, je vais faire ça. C'est par cœur. Je te jure que j'ai fermé la feuille en même temps que je te parlais. Mais c'est Jennifer Cidé. Comment? Jennifer. Ouais. Cidé. Cidé. Oui. Cidé. Cidé. Oui. Comment t'écris ça? S-I-D-E-Y. S-I-D-E-Y, bon. Exactement. C'est écrit. Tu voulais la chercher, hein? Ben oui, mais c'est tu ça. Tu voulais aller la fouiner un petit peu partout sur Internet? Mais pas dans la vraie vie. Mais je pense pas que tu vas pouvoir battre Jennifer Cidé. C'est-à-dire? Ben, parce que t'as deux autres filles à nous présenter. Ben oui, tout à fait. Mais c'est pas mal la meilleure, là, à date. Tu peux pas faire mieux. Ben, je pense que les trois femmes que je vous présente aujourd'hui, les trois jeunes filles que je vous présente aujourd'hui, sont pas mal tous sur un pied d'égalité qui est assez exceptionnel en termes de reconnaissance et en termes d'exploit aussi. Parce que la prochaine femme que je vais vous présenter, c'est une pilote afghane, elle aussi âgée de 29 ans. Elle s'avoue donc en l'air, elle aussi. Et elle veut devenir la plus jeune femme au monde à effectuer un tour du monde aérien. Wow. Donc, c'est un périple qui a commencé en début d'été. Elle a entrepris pour justement livrer un message important aussi aux jeunes filles parce que c'est la seule pilote aérienne afghane. Elle est âgée de 29 ans. C'est la seule. Ouais. OK? Elle y est arrivée et elle veut justement croire en ses propres rêves, mais faire croire aussi les autres jeunes afghanes que c'est quelque chose qui est possible. Donc, le message a pris une signification quand même assez particulière pour cette jeune fille-là. Elle s'est arrêtée du côté de Montréal un petit peu plus tôt durant l'été parce que c'était un endroit où elle allait s'arrêter pour son périple. Et la jeune femme tenait absolument à s'arrêter en Afghanistan où elle n'avait pas posé les pieds depuis sa naissance. Donc, tout au long de son voyage, elle se disait aussi qu'elle allait aller en Afghanistan où sa vie a commencé. Mais elle est américaine, pas mal plus qu'afghane. Elle a déménagé là lorsqu'elle était très, très jeune avec ses parents, ses cinq sœurs. Elle a grandi à Richmond, en Californie. Elle n'avait jamais nécessairement envisagé la possibilité d'aller à l'université ni d'avoir une carrière avant de découvrir l'aviation. Et elle est tout simplement tombée amoureuse du côté de l'aviation, de tout ce qui entourait l'aviation aussi. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à avoir cette idée de pouvoir parcourir le monde en avion et d'être la plus jeune femme à pouvoir le faire. Donc, c'est quelque chose qui s'est entamé, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus tôt cet été. Et on a un diplôme d'ingénieur en poche, bien évidemment. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en va en aviation qui n'ont pas un diplôme d'ingénieur. Et on est devenue la première de sa famille à obtenir un baccalauréat, une maîtrise aussi. Elle est également la plus jeune femme afghane à détenir une licence de pilote. Donc, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que cette jeune femme-là de 29 ans puisse être reconnue comme une fille qui a accompli quand même déjà pas mal de choses de son côté. Ouais. Et elle a fondé aussi l'organisation Dream Shore, qui cherche à inspirer les jeunes filles à poursuivre une carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. Un petit peu la même chose que Jennifer Siley. Puis c'est un sentiment quand même assez incroyable aussi d'être le pilote de son propre avion. Tu décides de t'envoler comme ça, de faire le tour du monde. Tu vas t'arrêter à plusieurs endroits aussi. Si je me souviens bien, c'est 18 endroits répartis sur 5 continents. Donc, 18 pays sur 5 continents avec un total de 34 escales. C'est un petit peu le but. Et sa prochaine escale devrait être en Inde. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va arriver à pouvoir le faire? Parce que c'est sûr que tu dis, bon, c'est beau, je m'en vais comme ça, là, puis tout va bien aller. Mais ça doit être aussi un petit peu inquiétant à savoir est-ce que tout va être en ordre, est-ce que je vais pouvoir y arriver jusqu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle s'est arrêtée à Montréal au début de son tour. Et on était à bord de son petit cockpit, là, un tout petit avion qui est un Beechcraft avec l'objectif justement de sensibiliser les femmes au métier de l'aéronautique encore une fois. Et ça s'est super bien passé du côté de Montréal. Elle a été accueillie vraiment à grands bras ouverts et apparemment que les jeunes femmes étaient très, très interpellées par ce genre d'aventure-là. On le sait ici au Québec surtout, on n'est pas au même niveau parfois que du côté des États-Unis ou encore moins l'Afghanistan. Pour ce qui est des métiers hommes-femmes, l'égalité par rapport à ça, on a quand même une bonne ouverture d'esprit, donc on a quand même un bon nombre de femmes qui sont ouvertes à ce genre de métier-là. Mais c'est aussi parce que l'Organisation de l'aviation civile internationale s'est basée à Montréal. Donc on soutient le projet, on soutient aussi l'objectif de la jeune pilote de pouvoir inciter plus de femmes au pilotage. Et on parle seulement de 3 à 5 % des pilotes commerciaux en activité dans le monde qui sont des femmes. Wow. Donc, de pouvoir avoir quand même une activité de ce côté-là, de pouvoir voir aussi quelque chose qui va bouger au niveau de l'aéronautique ou de l'aviation pour les femmes et dans le transport aérien. Mais je pense que ça porte aussi au métier de pouvoir peut-être un petit peu changer par rapport à ça d'ici quelques années, espérons-le. Donc, on va faire le tour, comme je disais tout à l'heure, de 18 pays, 5 continents, 34 escales. Et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, cette aventure-là, parce que c'est sûr que c'est inspirant. Peu importe le pays où elle va arrêter, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont la refuser. Là. C'est sûr que les 18 pays aussi ont dû être choisis en conséquence de qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est les pays qui ont un McDonald's. Elle oui, va faire le tour des McDonald's. Elle fait le tour des McDonald's, mais en avion toute ouais. seule. C'est juste pour le trip de Big Mac. Donc, de ce côté-là, c'est le fun à voir. Justement, ce sont des jeunes femmes qui sont jeunes. Tu sais, les deux avaient 29 ans, que ce soit pour notre astronaute canadienne ou encore cette pilote-là. Ce sont de jeunes femmes qui vont peut-être arriver à faire changer les choses du côté de jeunes filles oui. qui pourraient peut-être avoir cette optique-là un petit peu plus tard, qu'ils n'avaient jamais envisagé. Espérons-le. Avant que tu fermes ton onglet... oui. Son nom? Oui, je l'ai. Hey, je l'ai pas nommé. Non, hein. Tu l'as pas nommé. Non, je l'ai pas nommé du tout. Attends, c'est parce que c'est pas super facile à dire. C'est comme ce que nom. Je me suis dit. Ouais. C'est Chista Weiss. Ben oui. Donc, si tu veux que je te l'appelle, Mathieu, c'est S-H-A-E-S-T-A. Uh-huh. Avec un espace. Et son ouais. nom de famille, c'est Weiss. W-A-I-Z. C'est noté, c'est dans les notes de l'émission dès maintenant. Merveilleux. En plus, elle est née sur un camp de réfugiés afghans. Donc, de cette façon-là, de pouvoir avoir émigré juste après sa naissance avec sa famille aux États-Unis, ça a été quand même assez significatif. C'est un petit peu ça aussi qui l'a amenée à s'intéresser au monde de l'aviation. Donc, c'est le fun d'avoir justement une jeune fille qui peut en inspirer d'autres comme ça. Là, tes deux premières, t'es vraiment hot, là. Oui. Mais fais mieux encore. Je sais pas si je peux faire mieux, honnêtement, parce que la troisième, elle a... Je veux pas dire qu'elle a rien accompli, c'est vraiment pas ce que je veux dire. Et ça commence mal. C'est vraiment... C'est pas bon, hein? Je me tire dans le pied un peu. On l'a en onde, d'ailleurs, on l'a en ligne. Bip, bip, bip! C'est surtout pour dire, en fait, que Internet est maintenant rendu une grande façon de pouvoir se faire connaître... Pas une YouTuber, ça. Mais de pouvoir faire connaître plusieurs choses. La troisième, inquiétez-vous pas, là, elle se lance pas en l'air dans le terme qu'on connaît habituel. Elle se lance en l'air de la même façon que les deux autres. On parle d'une pilote d'avion, mais qui fait rêver le web. Wow. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Bien, c'est très facile, tu le sais, Mathieu. YouTube s'est rendu quand même assez gros, Instagram aussi, et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour la pilote d'avion Easter Axen Erdogan. Yeah, boy, je... Donne des défis, oui, là. Je vais te redonner son nom un petit peu plus tard parce qu'elle est turque. Et on est pilote d'avion, mais on partage notre métier sur Internet, ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs jeunes filles qui se sont mises à la suivre sur Instagram, qui se sont mises à l'aimer aussi et à s'intéresser à ce fameux métier-là. Parce qu'on s'entend que c'est pas un métier qui est déjà à la base très, très regardé par les femmes la plupart du temps. Donc, ce que vous pouvez voir sur son compte Instagram, c'est bien évidemment des selfies dans le cockpit, des photos de rêve un petit peu partout aux quatre coins du monde. Et c'est une pilote qui fait découvrir le côté... un petit peu plus glamour de sa profession grâce à son compte Instagram. Donc, on se retrouve à être une pilote d'avion commercial. On est âgé de 31 ans et on travaille pour la compagnie turque. Je vais sortir mon turc, les amis. Pegasus Airlines. Et quand elle n'est pas aux commandes d'un Boeing 737 entre l'Europe et le Moyen-Orient, bien, on prend le temps justement de publier des photos de son travail et de ses voyages sur Instagram. Un petit peu plus tôt, là, cette année, si je te dis en avril 2017, elle avait 29 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, vous allez faire un petit tour sur son compte Instagram. On est à plus de 95 000 abonnés Instagram. Donc, ça a quand même été abonné de plus en plus. On s'est fait connaître par rapport à Internet, surtout par rapport au métier, comme je le disais tout à l'heure, qui est un petit peu plus sorti de... pas de nulle part, parce que c'est quand même pas sorti de nulle part, mais c'est quand même pas courant qu'on va voir des femmes dans le monde d'être pilotes d'avion. Donc, de ce côté-là, elle a réussi à amener beaucoup de gens à apprécier son compte Instagram. Et chose qui est très intéressante aussi, c'est que dernièrement, on a décidé de se marier, mais à un autre pilote d'avion. Ah, c'est cute. Alors, ce qui arrive de ce côté-là, c'est que les deux se ramassent à pouvoir faire rêver un petit peu le web en voyageant les deux ensemble, puis en posant plusieurs choses sur leur compte Instagram. C'est sûr qu'on parle du côté glamour du métier. Vous allez pouvoir voir aussi des côtés un petit peu moins glamour sur leur compte Instagram. Parfois, ça leur arrive d'en parler. Mais c'est vraiment... Vous allez voir ce qui se passe un petit peu dans la vie de pilotes d'avions commerciaux comme ça qui se promènent un petit peu partout à travers le monde, surtout entre l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, c'est très intéressant. Et ça peut ouvrir justement les yeux à d'autres jeunes filles comme ça qui voudraient peut-être se lancer dans le monde des mathématiques, le monde des sciences. C'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'être en mode ou en design intérieur. Là. Mais c'est non. C'est correct, mais ce serait le fun si on avait plus dans l'autre... Exactement, mais c'est aussi le fait qu'on n'ait jamais vraiment popularisé ce genre de métier-là pour les femmes. Ils n'ont pas eu tant de modèles. Exactement. Pour s'inspirer. Puis là, ce genre de femmes-là arrive, on se met sur la map, on se met à justement faire connaître un petit peu plus le métier. Ça fait en sorte que ça va peut-être accrocher l'œil de quelques jeunes adolescentes qui fouinent un peu partout sur Instagram. Alors, si au nombre de filles qui sont à moitié vêtues sur Instagram, on peut voir deux, trois jeunes pilotes d'avion comme ça qui vont peut-être semer une graine d'intérêt vers nos jeunes filles qui voudraient peut-être envisager des études dans ce métier-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et voilà. Merci, Tania. C'était vraiment fascinant. Pour vrai, j'adore ça. Merveilleux. De femmes. C'est cool. Oui. Très cool. On fait ça. D'accord. On recommence. Oui, c'est tout de suite. Trois autres suite. C'est ça. Merci, Tania. Fait plaisir. On prend une pause. Au retour, on va continuer ça avec les instructions d'assemblage sur C'est fou. 89.1 FM. Fait. deuxième heure de la sondage Rocky pour la semaine du 21 août 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, il nous reste encore deux heures ensemble. On va avoir plein de bons stocks. Tantôt, David Ferron va être avec nous pour parler un petit peu, écouter de la musique ensemble. Ça va être bien le fun. D'ici la fin, on a aussi une grosse pointe en dresse à la fin de l'émission. On devrait avoir de la visite surprise aussi. On dit oh, pas qui. Ouais. Il semble qu'on a quelqu'un de surprenant aujourd'hui. On va espérer. On va espérer que ça va fonctionner. C'est ça. Ça fonctionne pas toujours, surprise! Ces trucs-là. Surprise! Ça va soit être oui ou non. Sinon, ce sera les gars qui installaient le système d'incendie. Oh, on peut les réinviter, là. Quand vous voulez. Donc, c'est le plan pour le reste de l'émission d'aujourd'hui. Avant ça, par contre, en musique, comme tu as parlé tantôt de femmes qui s'envoyaient en l'air pour la cause, écoutons une pièce qui est tout à propos. Tu parles de vol plané? Oui, par Catherine. Oh! Sans blague. Souvent t'apparaître, oh t'es belle, mes manacelles, ne supportent que le poids d'un oiseau. Je pourrais m'y faire, ou tu pourrais me faire une place au soleil. Donner un élan, je deviendrai ton vin. Pour te donner un élan, je deviendrai ton vin. Au-dessus de nos têtes, bien au large des cieux, je ne tomberai pas. Nous naviguerons auprès et nous finirons là, tout en haut d'un cyprès. Je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Vol plané de Caterino. Caterino. Notre accent italien est parfait, là. Ben oui. C'est incroyable. Maintenant, c'est le moment d'apprendre un petit peu comment mieux vivre. Ah ouais? Je dirais une étape à la fois. Quelle Voici bonne idée. Les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage où on se donne quelques petits conseils de vie. Bien sûr, que des conseils. Ça veut pas dire que vous devez le faire. Non, nous, en effet. Tout cas, on les suit pas toutes, hein? Non. La semaine passée, on a fait un spécial finance. Oui. Et je sais que toi, tantôt, tu vas nous parler aussi de finance dans ta chronique. Mm-hmm. Mais j'ai seulement quelques petites nouvelles de finance aujourd'hui. Des conseils à se donner. Pour commencer, les achats impulsifs qu'on fait des fois là, en magasin. Tu vois quelque chose, tu fais comme « Ah, j'en veux une TV 32 pouces, Smart TV! » Hey, j'ai pas le choix d'en acheter une, OK? Non, je sais. Elle est vraiment c'est cool. Pas impulsif, là. ça fait comme 3 mois que je cherche. Et pas cher, puis j'espère qu'il va en rester parce que c'est un méchant j'espère bon J'espère aussi. Bref, on se demande ici. Oui. What if, avant de faire un achat impulsif? On devrait, bien sûr, on sait tous dépenser de l'argent sur des choses qu'on aime, hein, mm-hmm. qu'on aime beaucoup. C'est plus facile à dire qu'à faire. En effet. La prochaine fois qu'on arrive devant un achat impulsif, on devrait arrêter et se poser une seule question. Et si? Donc, c'est sur le blog Becoming Minimalist que Joshua Becker nous explique que lorsque vous vous sentez attiré par quelque chose, posez-vous la question « Qu'est-ce que je pourrais faire? » Qu'est-ce que je serais capable de faire si je ne faisais pas cet achat-là? Ouais. C'est la question qui tue. Ouais. Donc, chaque achat, la question devrait être posée pour essayer de reconnaître la... À chaque achat impulsif. OK, les oui, achats seulement impulsif. À l'avance, là. C'est autre chose complètement. Donc, comme une table à café, c'est pas impulsif. Ben non, parce que ça, tu le magasines depuis longtemps, ouais, tu vas trouver le meilleur deal. Je prends à construire. Ah oui, pour vrai? Juste acheter le matériel. Ah, mais Colin, c'est ouais. do-it-yourself pas mal, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, quand t'arrives pour faire un achat impulsif, des fois, t'as de la difficulté avec tes émotions. Ça peut être difficile d'arrêter et de penser rationnellement sur ce que t'achètes. Mais quand tu te poses la question là, tu vas mieux focusser sur la raison pour laquelle tu l'achètes. Est-ce que de l'alcool peut être calculé comme étant impulsif? Ça, je pense que oui. Ouais, hein? Ouais. Posez-vous la question lorsque vous achetez de l'alcool. Si qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là? Si t'achetais pas ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Ouais. Exactement. J'ai arrêté de boire. Ouais. Ensuite, on a des mauvaises... on a des bonnes habitudes des fois, et des oui? fois, on peut être tenté de, comment dire, ne pas suivre ces bonnes habitudes-là. Oui. Hein? Donc, je sais pas, des fois, si c'est le site, en fait, le site de conseil Choose Better Life qui nous explique l'effet « what the hell ». Donc, l'effet « ouais, mais qu'est-ce que... » Comment tu traduirais ça, « what ouais. the hell » OK. Difficile, hein? Ah, what the hell? What the hell? C'est assez difficile à pouvoir le traduire. Mais qu'est-ce que? Ouais. Je sais pas. Bref. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Raconte-nous. What the hell? Ouais. Donc, par exemple, je sais pas, mettons que t'es pas allé t'entraîner ce jour-là, donc tant qu'à faire. Je dirais tant qu'à faire, quasiment. Oui, tant qu'à faire, oui, tu vas décider okay, de, ouais. tu vas sauter ta semaine au complet. Hein? Pas fou. Où tu disais que t'allais être productif et t'as fini sur Facebook, donc tant qu'à faire, où tu m'es resté là pendant 3 heures. C'est ça. Tant qu'à avoir déjà gaffé, on se dit, mais tant qu'à faire, je vais continuer. Et ça, ben, c'est un piège dans la vie, l'effet what the hell. Donc, pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, son pouvoir vient de notre croyance qu'une gaffe soudaine va symboliser un échec complet. Donc, tant qu'à avoir échoué, tu continues. Si t'as mangé, je sais pas, une pointe de gâteau, ton régime est complètement gâché. Donc, de toute façon, tant qu'à continuer, tant qu'à avoir déjà échoué, je vais aller me chercher du fast-food et je vais continuer comme ça. Donc, il faut essayer de changer ces habitudes-là. Ne laissez pas l'effet « pourquoi pas » défaire vos bonnes habitudes. Ça a du sens, dit comme c'est ça, vrai. Je pense. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Ouais. Ensuite, la meilleure façon de se vanter sans avoir l'air d'un méchant garnement. Ouais. Tu sais, une fois quand tu te vantes, tu peux te sentir mal après. Tu pourrais avoir l'air un petit peu prétentieuse au-dessus de tes affaires. Ouais, des ouais, ça. Ouais, ouais. Mais tu veux être capable de dire quand même que tu as accompli quelque chose, que tu as des habiletés, que tu as réussi quelque chose dans la vie. Il y a un moment, il y a un endroit pour le faire, et selon une étude récente, il y a même une bonne façon et une mauvaise façon de le faire. Donc, c'est une étude menée par Kirleen Van Dam, publiée dans le journal Self and Identity, suggère que les gens vont accepter quand tu te vantes, ils vont moins accepter ça si tu te compares à quelqu'un d'autre. Par exemple, si, je sais pas, tu fais de la course, tu veux pas dire « je cours beaucoup plus vite que telle personne ». Tu serais ouais. mieux de dire « j'ai réussi à, je sais pas, faire la même distance en une minute de moins qu'avant ». Donc, tu te bats toi-même et tu te vantes, mais t'as l'air moins... Oui. Tu sais, moins, comment dire, vantard. À te comparer, maintenant. À te comparer. Donc, aux autres, surtout. C'est ça. Comparez-vous à vous-même. Ça donne l'impression aux gens que t'es passionné et que t'aimes. Mais c'est surtout ça qu'il faut. C'est ça, exactement. Bref, soyez il faut passionné aussi, de vous-même. Et se vanter avec modération. Ne pas trop exagérer, voilà. Et éviter de descendre les autres par le fait même. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour tout le monde. Ensuite, l'empathie. Tu sais ce que c'est l'empathie? Ça peut t'aider à gérer... J'en ai pas beaucoup. Non? Non. Oh. J'ai la difficulté à avoir de l'empathie. Raconte-moi ça. Ben, ça dépend pourquoi. Ça dépend pour qui. Donne-moi des exemples d'empathie que t'as de la misère à avoir. Les gens qui courent après le trouble, les gens mm-hmm. Dans ma vie à 600 livres. Non, mais... Je sais pas, j'ai juste la difficulté à avoir de l'empathie. OK, ouais. Bref, ça je peut être... Je suis sociopathe, c'est ça, hein? Mais... C'est ceux-là qui ont de la difficulté à avoir de l'empathie. Ouais. Je peux trouver ça plate, mais arrête d'en parler, tu sais. Ouais. C'est pourquoi surtout tu te plains ça. Parce que l'empathie, à un moment donné, ça a une limite. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est ça. J'ai une limite d'empathie de genre 5 minutes. Il y a des gens qui, comment dire, c'est quoi le mot pour ça, qui se morfondent dans leur propre... Il y en a qui sont contents dans leur malheur. Ben, ouais. Si t'es content, reste dedans, arrête de... T'sais, on est trop d'accord là-dessus. C'est ça. J'ai pas d'empathie là-dessus. Moi non plus. Donc, l'empathie peut t'aider à gérer les gens qui sont méchants. L'empathie. Bon, je suis méchante, finalement. Ah, mais non, mais ça va t'aider à gérer les gens qui sont méchants, les okay. autres. D'avoir de l'empathie, ça va t'aider là-dedans. Donc, l'empathie est une bonne stratégie lorsqu'on a des gens toxiques dans sa vie, mais c'est pas toujours facile d'en avoir de l'empathie. Donc, voici comment on peut essayer d'avoir de l'empathie envers une autre personne. Donc, c'est une vidéo de School of Life qui vous explique que la clé de l'empathie avec une autre personne est de comprendre qu'ils ont mal, en quelque part, bien sûr. Donc, ça a l'air assez simple quand même. Ouais. Donc, avoir de l'empathie pour une personne va te transformer de comment est-ce que tu vas devenir observateur de leur douleur. Donc t'as pas besoin. Ouais, mais j'ai pas besoin d'observer la douleur des autres. J'ai assez de la mienne. Je suis d'accord là-dessus. Pourquoi tu veux que j'observe ta douleur? Ouais. Tu sais, aide-toi à plus être en douleur. À plus être en douleur. Bon, ok. Ouais, je pense. Ok. Ouais, non, c'est d'accord. Ça. On laisse faire. Je pense qu'il y a peu importe ce qu'on va dire. Ça sert à rien d'essayer de se convaincre nous-mêmes. C'est hein? ça. Bon. Ensuite, le secret, quand tu te fais prendre en photo, des fois, des photos de groupe, tu peux avoir l'air un petit peu trop pogné. T'as de la misère ouais. à avoir l'air naturel en photo de groupe. Donc, le secret pour avoir l'air relax dans les photos de groupe. Tout le monde se fait prendre en photo en groupe, des fois, et c'est pas toujours facile. La clé pour avoir l'air relaxé, c'est donc de porter attention à tes coudes et à tes genoux. Okay. Une fois que tu es prêt pour la photo, tu devrais plier tes bras et tes jambes un petit peu pour mieux imiter ta pose naturelle quand tu es debout. Ah, OK. Et si c'est toi qui prends la photo, tu devrais encourager les autres à faire la même chose. Donc, relaxer ces parties-là de votre corps. Tu pourrais aussi essayer de relaxer, de reculer tes épaules un petit peu pour te tenir droit et allonger ton cou. Donc, ce sont des trucs pour mieux être pris en photo. Donc, les épaules carrées devant la caméra, ton menton vers l'avant et un petit peu vers le bas. Tes pieds devraient être de la même position que tes épaules. Ton corps devrait être pointé avec une épaule vers la caméra, donc un petit peu à un angle. Comme on l'a dit, tes épaules devraient être relaxées, tes genoux et tes coudes pliés, et on devrait se pencher sur une de ses jambes avec la main sur la cuisse. Mm-hmm. Dans une photo de groupe. Donc voilà, vous pouvez aller voir les petites photos, les exemples. Il y a les Madison ici qui nous montrent comment prendre une photo de groupe. C'est bien, c'est bien. Ensuite, toujours dans les photos, est-ce que ça t'arrive des fois de prendre des photos de groupe avec quelqu'un qui est plus grand? Ben, tout le temps! Oui, j'imagine, la plupart du temps. C'est même pas une question. Les gens sont généralement tout le temps plus grands que moi. Combien tu mesures? 5 et 3 et peut-être et 4. Bon, tu vois, moi je fais à peu près 6 pieds 3, mettons. C'est ça, fait que déjà en partant d'un pied de différence sur une photo. Voilà, donc on peut ajuster par contre la grandeur des gens dans une photo en leur demandant de séparer leurs jambes. Ah, une okay. jambe pour toi, une jambe pour moi, non. Ouais, c'est ça. Donc, quand tu prends une photo avec deux personnes ou plus, une personne est plus grande que l'autre, des fois, tu peux aller chercher, je sais pas, une boîte de plastique, je sais pas trop quoi, pour te mettre debout dessus, ça pourrait arriver. Mais si t'as rien à prendre, t'as aucun en objet... En télévision, parfois, on fait ça pour les entrevues. Ah oui! On veut mettre une petite... tu sais ce qu'on appelle une caisse de pommes? C'est ça. Ouais, ça peut arriver. Je l'ai jamais fait. Les plans un petit peu plus éloignés, t'y vois des fois ces boîtes-là. Oui. Des fois, elles sont recouvertes de tapis pour matcher avec le tapis oui, du studio. Oui, c'est ça. Exactement. Bref, si t'as rien à prendre, t'as pas de boîte de pommes, t'as pas de caisse, rien. Donc, tu peux faire ajuster la hauteur de la personne plus grande, non pas en se penchant par en avant, non pas en se penchant sur leurs cuisses, peu importe, mais en séparant leurs pieds. C'est le photographe Peter Hurley qui nous montre ça dans une petite vidéo sur assemblagerockey.com. Donc, la personne plus grande n'aura pas à se pencher, juste à séparer les jambes, un peu comme quand tu. Comme on suggère des fois quand tu fais la vaisselle. Moi, quand je fais la vaisselle, je suis grand, actuellement. Fait que t'es penché automatiquement. Fait que je suis penché, ça fait super mal. On m'a conseillé à un moment donné de séparer les jambes, séparer les pieds, et ça fait beaucoup moins de mal dans le bas du dos. Donc, faites la même chose. C'est pas inconfortable, par exemple? C'est plus confortable comme ça que de se pencher. OK. Je te jure. Donc, ça a l'air complètement bizarre vu de loin, mais une fois de près avec la taille jusqu'à la tête, ça va être super beau. Tu peux cropper la photo, bien sûr, pour enlever les jambes, les pattes. Une très bonne façon, donc, de faire un petit trucage de photo, je dirais. C'est bien. Hein? Ensuite, sleep time. Est-ce que tu es du genre à calculer les heures de sommeil dont tu as besoin pour pouvoir te réveiller confortablement et non pas avec un alarme qui va venir te brusquer le réveil? Bam! Ben, j'ai pas le choix de mettre un alarme. Oui. Sinon, je dors indéfiniment. Mais tu n'utilises pas une petite application comme moi qui te réveille au bon moment? Non. Non? Parce que je me lève du moment que ça sonne. Ouais, c'est ça. Mais justement, des fois, tu te lèves peut-être de mauvaise humeur. Ouais. Ouais. Donc, ça m'est déjà arrivé. Sleep Time calcule l'heure à laquelle tu devrais être couché, basé sur tes cycles du sommeil. C'est un peu le contraire de mon application qui, moi, me réveille le matin. Ah, j'ai trop peur qu'ils me disent qu'il faut que j'aille me coucher à genre 9h. Ben, ouais, ça pourrait te dire ça, dépendant de quelle heure tu dois te lever. C'est absolument. Ça. Donc, c'est une application web. C'est pas une application, c'est un site web mobile, Sleep Time, qui utilise ton heure de réveil pour calculer quand tu devrais être couché. Donc, le but est d'aller et de te réveiller dans la bonne partie de ton cycle du sommeil pour pouvoir te réveiller de bonne humeur. Donc, tu sais probablement des fois, la plupart du temps, à quelle heure tu dois te lever. Donc, tu choisis dans la petite roulette d'heures et de minutes l'heure que tu voudrais te lever. Et Sleep Time va te dire à quelle heure tu dois être couché pour avoir 6 heures, 7,5 heures ou 9 heures, vous donnant donc des séries de cycles de sommeil complets pour vous réveiller rafraîchi, à la place de vous réveiller dans le fond d'un cycle de sommeil où là tu vas te réveiller de mauvaise humeur. Tu sais, quand on dit qu'on se lève du mauvais bord du lit, c'est à cause de ça. Donc, c'est des cycles de 90 minutes pour s'assurer de bien se réveiller. Et on dit que c'est optimisé pour les cellulaires et qu'on peut... ouais, c'est pas mal ça. Moi, j'utilise... j'en ai essayé plusieurs. Là, j'en ai même essayé des nouvelles ce matin. Puis je pense que la meilleure est toujours Sleep Cycle, où je dis, par exemple, bon, je veux me lever à 7h30. Et t'as une fenêtre de réveil d'une demi-heure entre 7h et 7h30. Ça te réveillera jamais après l'heure que t'as demandé. Okay. Et ça va attendre que tu sois dans un cycle de sommeil plus léger pour te réveiller. Donc, ça analyse le son. T'as deux options. Tu peux soit le mettre sur ton, à côté de ton oreiller et ça va ressentir les vibrations. Mais eux, ils recommandent la méthode micro. Donc, tu mets sur ta table de chevet et ça entend les bruits de tes draps, ça entend le bruit de tes respirations. Sans que tu la partes. Ça, comment? Sans que tu la partes. Sans que tu... Ben, tu cliques sur... OK, tu cliques sur l'application. Donc, ton application est ouverte toute la nuit. Oui, c'est ça. Mais ton téléphone est sur la charge de toute façon. OK. Donc, ça dépense pas plus d'électricité. Oui. Donc, non, ça fonctionne vraiment bien et je pense pas m'être réveillé souvent de mauvaise humeur avec ça. J'aime beaucoup l'application. Donc, si ça vous intéresse, ça, c'est la mienne. Il y en a plein d'autres, mais Sleep Cycle. Et l'application dont je parlais, le site web, c'est Sleep Time. Allez voir le lien, puis qui est plutôt compliqué sur assemblagerequis.com. Ensuite, on reste dans les réveils et là, ça va complètement aller à l'encontre de ce que je viens tout juste de dire. Moi, je maintiens que c'est la meilleure solution, mais un article de lifehacker.com nous dit qu'on devrait arrêter d'utiliser son téléphone cellulaire pour se réveiller et acheter un vrai cadran. Un vrai cadran. Apparemment que, bon, évidemment, on le dit souvent, là, mais l'écran, regarder son écran de téléphone ou d'iPad, c'est une mauvaise idée avant de se coucher. On le fait tous quand même. Ben oui. Ils sont souvent juste à côté de notre table de chevet et servent d'alarme, donc l'envie est vraiment là de l'utiliser. Il y a une étude récente publiée dans PLOS qui nous dit que la solution serait de garder ton téléphone très loin de toi la nuit et de te fier sur un cadran. C'est un blogueur qui s'appelle Carly Kay, une blogueuse, qui a expérimenté un petit peu avec ce système-là et elle nous a trouvé 4 changements majeurs une fois qu'elle a tassé son téléphone et qu'elle l'a mis plus loin. Donc, elle s'endormait plus vite, elle dormait mieux, elle avait moins de maux de tête et parlait plus souvent à son mari. Ah? Donc, résister à la tentation des réseaux. Hein, ouais. Mais bon, non, Dieu. Jean, non. J'aime trop mon application. Ensuite, quand on travaille... Je sais, toi, j'ai même pas besoin de te le demander. Je sais que quand tu travailles, t'écoutes de la musique sur tes écouteurs, dans tes écouteurs. Je pense que tout le monde au travail, ici, on est dans une aire semi-ouverte avec un mur entre certains bureaux, mais on est pas mal ouvert. Et tout le monde au bureau, on est quoi, 5, porte des écouteurs toute la journée. Pourquoi? Parce que les autres travaillent du son, puis ça devient vraiment gossant. C'est ça. C'est surtout, en fait, le son de, par exemple... taper sur le clavier. Taper sur le clavier. Clic, ça sonne. Une chaise qui bouge. Automatiquement, ça va plus me déranger que de la musique dans mes oreilles. Oui. Et c'est pas mal tout le temps David Ferron qui fait ces bruits-là. Aussi. Bon, donc, on essaie ici de dire que le silence est une bonne chose quand on travaille ou qu'on étudie. C'est The Mozart Effect qui nous suggère qu'écouter certains types de musique peuvent aider pour certaines tâches mentales. Par contre, on dit que travailler ou étudier en silence, c'est encore mieux. Certaines recherches nous apprennent que pour certaines tâches cognitives, on a besoin de silence. Selon The Atlantic, pour la plupart des tâches demandantes, donc demandantes au cerveau, tout ce qui est pas silencieux vient nuire à la performance. On cite plusieurs études, dont une de Glasgow Caledonian University. Les chercheurs demandaient au sujet de performer une série de tâches cognitives avec différents types de bruits à l'arrière-plan. 40 participants ont complété 5 tâches cognitives, donc un rappel immédiat, un rappel libre, un rappel numérique ou à délai et Stroop, qui vont nous expliquer, j'imagine, plus tard. Tous ont été moins bien réussis avec la présence de bruit d'arrière-plan, donc de la musique ou du bruit, comparé au silence. Si la musique est ce qu'on appelle engageante, engaging, comme dans il y a des paroles dedans, t'as envie de fredonner dessus, c'est encore pire pour ta concentration. Donc, dépendant de la tâche, sache, ça va varier. Si la musique fonctionne pour toi, évidemment, continue de faire ça, mais tu peux essayer le silence. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, tu peux essayer des applications de son. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le bruit de la pluie derrière moi. Dans mes écouteurs, j'aime vraiment ça. Donc, essayez ça. Pourquoi pas? Ensuite de ça, on change complètement de domaine. On va fabriquer notre propre crème à café avec du lait régulier et du lait condensé. Oh, d'accord. Toi et moi, on boit notre café noir. Oui. En ce moment, je bois un café, à l'extérieur du studio, je bois un café mocha. Un café mocha, c'est du chocolat chaud et du café. Oui. Mais il y a des gens qui aiment la crème dans leur café. Et n'achetez pas votre crème à café au magasin. Faites-la vous-même. Tout ce qu'on a besoin, tout ce dont on a besoin, c'est du lait condensé et du lait normal. Donc, amandes, soya, peu importe. Donc, chez CNET, on nous dit comment on fait. Donc, une canne de lait condensé, c'est 14 onces. Donc, on va avoir besoin d'environ 1,75 tasses de votre choix de lait pour créer ce mélange. On va vider le lait condensé de la canne dans un pot. On va ajouter du lait dans le pot et ensuite de la saveur. On va sécuriser le couvercle, on va bien fermer ça hermétiquement et brasser entre 10 et 20 secondes ou jusqu'à ce que la crème soit bien mélangée et que la texture soit consistante. Si vous avez déjà bu un café glacé vietnamien, entre autres, ça goûte à peu près ça. Ah, OK. Ouais, c'est souvent servi avec du lait condensé. Vous pouvez ajouter de la saveur, comme on a dit, ça pourrait être n'importe quoi, chocolat, cannelle, peu importe. Et apparemment que c'est délicieux, donc faites votre propre crème à café. Ensuite, on reste dans le domaine de ce qui est délicieux dans la bouche. Les barres de chocolat, des fois, ça peut être difficile de défaire les petits carreaux. Tu sais, des fois, là, le petit carré est comme difficile à détacher, ça marche mal. Donc, on nous suggère de défaire les barres de chocolat en carreaux avec un rouleau à pâte. Mm-hmm. Donc, les barres de chocolat, souvent, sont faites pour être défaites en morceaux, mais les variétés plus épaisses sont plus difficiles à séparer avec les mains. Et là, tu mets des miettes partout, c'est pas le fun. Donc, c'est le YouTuber Dave Hacks qui nous montre une façon assez futée de défaire les barres de chocolat en quelques secondes. On prend la barre, toujours dans son emballage, et on la met... attends un petit peu. Est-ce qu'on le met à l'envers? Je pense qu'on met la barre à l'envers. Ouais, je pense que oui. Bref. Ça ferait du sens, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Et on prend... t'as pas retenu ta leçon de la semaine passée, toi? Non. Et le fait du sens, non? Tu prends ton rouleau à pâte et tu le passes par-dessus. Fling, fling, fling, fling. Et ensuite, tu tournes de 90 degrés ta barre de chocolat et tu recommences la même chose. Tu devrais ressentir les morceaux se séparer là où les points de rupture étaient prévus. Tu peux faire ça pas mal de plusieurs façons. Ça pourrait être avec... Mais tu peux pas vraiment faire ça sur du chocolat qui est pas super dur. Ouais. Tu sais, une caramilk, là. Ben, en fait, je le ferais pas. L'exemple dans la vidéo, c'est du Cadbury. Je crois que c'est de la caramilk. Ben là. Je crois que oui. C'est de la dairy milk. Dairy milk, bon, tu vois. C'était proche quand même. Donc, on les voit, faire, en fait, on prend, à la place d'y aller, je pense que c'est plus le... Moi, c'est ça, c'est le contraire, en fait. Ils la mettent pas face par en dessous. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la barre et la passent sur le rouleau et non pas le rouleau sur la barre. Ah, OK, je comprends. Tu comprends? Donc, bon, fallait regarder la vidéo pour s'en rendre compte, mais ça a du sens. Je pense que ça... Moi, je pense que c'est une bonne idée. J'haïs pas ça. Ouais. Mais, tu sais... Ça change-tu vraiment quelque chose? Non, mais tu viens de te sauver plusieurs secondes. Regarde-moi ça, okay, ouvre sa barre de chocolat, puis toutes les carrés sont toutes défaites. C'est vrai. Parfait. Bon. OK. Bref, la vidéo est sur assemblagerequis.com. Je suis content d'avoir regardé pour me corriger un petit peu. On ne passe pas le rouleau sur la barre, mais la barre sur le rouleau à la fin. Exactement. Bon. Ensuite... Faites attention, on va faire le contraire. Ben, ça pourrait être drôle. ensuite, on parle de télévision. Toi qui te magasines une télé 32 pouces. Là. Oui. Peut-être parce que tu aurais envie de regarder des séries dans l'ordre. Oui. Et des fois, regarder des films, des émissions de télé ou même lire des livres, t'as de la misère à déterminer dans quel ordre tu devrais les regarder ou les lire. Donc, c'est... bon, il y a plusieurs séries qui sont vraiment compliquées à suivre. Et le site web All Timelines est un service web, ce qu'on appelle des fois un site web, qui va nous guider dans les franchises de la culture populaire. Donc, c'est un site généré par les gens de la vie de tous les jours. Là, toi et moi, on peut contribuer à ça. Donc, c'est livres, bandes dessinées, séries télé, films, jeux vidéo. L'objectif est de trouver la chronologie canonique, donc canonical, comme dans suivre le canon, comme dans ce qui est déterminé par les gens qui l'ont écrit. Ou par les gens qui en sont responsables, comme Disney dans le cas de Star Wars. Bref, c'est les lignes directrices, les lignes temporelles de monde fictif. Donc, ça liste pas mal tout ce qui fait partie de chaque franchise. Il essaie de rester objectif. Par exemple, pour se rattraper dans Star Wars, la plupart des fans recommanderaient de regarder les films dans l'ordre de leur sortie. Donc, techniquement, le 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. Mm-hmm. Et non pas l'ordre canonique. Mais All Timelines ne se fie qu'au canon, donc aux recommandations de la compagnie. Donc, eux diraient de les regarder 1, 2, 3, donc les plus récents. En premier, et les 4, 5, 6 qui suivent dans la ligne temporelle après. Ah, d'accord. Ça, en tout cas. Ouais, je suis pas très bon pour l'expliquer, mais c'est à peu près ça. Okay. Ensuite de ça, on reste dans le domaine de la télé avec Next Episode, qui surveille les prochains épisodes de vos émissions préférées et vous aide à découvrir de nouvelles séries. Donc c'est sur le web, sur iOS et sur Android. Que ce soit, bon, que vous regardez des émissions dramatiques, des comédies, peu importe, Next Episode peut vous aider à suivre les épisodes que vous avez déjà vus, ceux que vous avez manqués, et trouver de nouvelles émissions à regarder qui viennent des mêmes producteurs, écrivains et plus. Par exemple, bon, je sais pas si t'aimes Joss Whedon qui a écrit Buffy contre les vampires, tu voudrais suivre toutes ces séries, ça pourrait être ça. Donc, le site et les applications mobiles sont toutes gratuites, avec quelques petits achats à l'intérieur de l'application pour ajouter quelques fonctions de plus, mais gratuitement, t'as la possibilité de créer des listes d'émissions à regarder, aller regarder les horaires des réseaux de télé, quand les prochains épisodes vont être diffusés. Tu peux voir les émissions qui sont tendances, les émissions qui sont reliées à celles que vous avez déjà regardées. On peut recevoir des push notifications, donc des notifications poussées quand une nouvelle émission va être diffusée. Tu peux cocher les épisodes que tu as vus, ceux que tu veux regarder. Donc, il y a plein de fonctionnalités comme ça. C'est pour les films aussi et les émissions de télé, avec bande-annonces et un paquet d'autres choses comme ça. Ça s'appelle Next Episode. Il y a plusieurs autres applications, j'en ai essayé plusieurs. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. On peut aussi exporter son calendrier sur iCal ou sur Google Calendar pour recevoir des notifications à l'intérieur de votre calendrier Apple ou Google. Donc voilà, Next Episode, pourquoi pas. C'est bien. Oui, j'aime beaucoup. Ensuite, votre tâche la plus importante de la journée n'est pas la seule tâche importante. Et le titre du prochain article de Lifehacker. Donc, votre tâche la plus importante, s'occuper de votre tâche la plus importante au début de la journée est une des meilleures, un des conseils les plus populaires qu'on a sur Internet. Mais le reste de la journée est aussi important. Ben oui. Évidemment. Donc, on dit de ne pas entrer dans votre journée de travail en présumant que seulement quelques heures sont vraiment sous votre contrôle. Et ne laissez pas le chaos venir vous hanter. Très bonne chose. Il y a tout plein d'autres choses à faire après ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont très importantes autres que votre point principal de la journée. Donc, vous devriez prendre votre énergie productive et continuer à pleine vitesse pour la journée. Newport, dans l'article, c'était Cal Newport, voilà, sur son blog, qui nous dit que c'est pas toujours possible de prédire précisément combien de temps vous allez avoir besoin pour chaque tâche ou savoir quand du travail inattendu va arriver. Ça arrive des fois des travaux inattendus. Donc, on ne peut pas tout mettre à l'horaire à la minute près, mais on devrait quand même toujours garder sa productivité et pas juste pour la tâche importante de la journée. Bon. Ensuite, on nous dit que c'est important d'apprécier les petites choses de la vie. On a tous des buts et des ambitions sur notre liste de choses à faire avant de mourir, comme quand on même, dit. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est School of Life qui nous explique que c'est important de focusser sur de petits plaisirs en travaillant vers nos objectifs qui sont un petit peu plus grands. Donc, avoir une promotion au travail ou, quelque chose de vraiment gros, là, c'est toujours intéressant, mais aussi de petits plaisirs comme prendre un bain, avoir une bonne conversation avec un ami, regarder de vieilles photos. Donc, c'est School of Life qui nous dit que ce genre d'activités-là vont te donner envie de vivre ta vie pas mal plus que juste d'attendre que ton gros but se réalise. Donc, on devrait réaliser l'importance des petits plaisirs qui sont souvent moins nombreux que des plaisirs, que des mauvais moments. Des fois, ça peut être des choses chères, même, les petits plaisirs, mais ça peut être très, très utile pour apprécier la vie. Voilà. Ensuite, on parle d'application, on parle de technologie dans le prochain bloc. On a Oversight Monitors qui surveille la caméra de votre Mac ainsi que l'accès au micro et vous envoie une alerte lorsqu'ils sont actifs. Oh, c'est bien ça! Des fois, les gens ont peur de la caméra. Oui, il y en a qui... Il y en a qui mettent du tape sur leur caméra, on le sait. Donc, c'est pas toujours facile de savoir quand la caméra est active parce que des fois, il peut y avoir des malware ou des logiciels malveillants qui vont utiliser votre microphone ou votre webcam. C'est une possibilité en théorie. Évidemment, faut pas avoir peur pour rien là-dessus, mais Oversight est là pour ceux qui ont peur. Donc, c'est une application gratuite qui vous envoie une alerte lorsqu'une application essaie d'accéder à la caméra ou au micro. Ça fonctionne comme plusieurs autres logiciels, sauf que celui-là est gratuit versus d'autres qui étaient payants. Donc, aussitôt qu'une application essaie d'avoir accès, vous allez recevoir une notification dans le coin de l'écran vous demandant d'approuver ou de refuser l'accès. Vous allez voir une petite lumière verte sur la webcam popper de toute façon sur un Mac lorsqu'elle est utilisée, mais certains malwares, en théorie, pourraient entrer et enregistrer vos conversations sans que la lumière verte s'allume. Donc, c'est ce que Oversight attrape. Donc, l'application a été créée par un chercheur en sécurité, Patrick Wardle, qui a fait plusieurs autres applications de surveillance de Mac. Donc, évidemment, ça fait un petit peu paranoïaque. Mais bon. Juste un peu. Juste un petit peu. Ben, ceux qui ont l'application Shazam pour le Mac qui écoute en permanence votre micro au cas où il y a une musique, là, tu sais, il y en a qui courent après le drone. Il y en a qui font ça? Il y en a qui font ça. OK. Ouais. On reste en technologie avec un raccourci 3D Touch. Tu sais, sur les plus récents iPhone, 3D Touch, c'est poussé dans l'écran. Tu peux peser un petit peu plus fort au-delà de l'écran pour faire certaines options. Donc, ça vous permet de voir toutes les notifications dans un dossier sur iPhone. Plusieurs ne savaient pas ça, je le savais pas. Moi non plus. Donc, 3D Touch sur iPhone rend certaines actions plus simples. Par exemple, bon, je sais pas si tu tiens le bouton, je vais, mettons, tenir le bouton Mail. Avec 3D Touch, tu peux faire un nouveau message, rechercher ou voir tes nouveaux messages dans tes boîtes courriel. Ben, tu peux aussi appuyer sur un dossier pour voir toutes les notifications dans ce dossier-là. J'ai pas de dossier avec des notifications dedans, hein. Oui, ah ben tiens, j'en ai un. Et mon jeu préféré, Crunch Time, a une notification. Donc, sur le dossier, je vois l'intérieur de mon dossier avec la notification. Oh. Super cool. Donc, sur iPhone 6S, 6S Plus et plus récent. Disponible sur l'iPhone 7 aussi et la prochaine génération, probablement. Hein. Si vous avez plusieurs applications dans un même dossier et des notifications à l'intérieur, 3D Touch va vous dire, ligne par ligne, qu'est-ce que vous avez qui vous attend. Toujours sur votre iPhone, on dit de rendre votre téléphone intelligent moins distrayant en changeant votre écran complètement en grayscale, en échelle, comment est-ce qu'on appelle ça, en nuances de gris, comme disait le film, ouais. Le shade. 50 shades of 50 nuances de gris, je pense que c'est ça. Quand donc le grayscale, c'est un mode style noir et blanc. Si vous êtes très dépendant de votre téléphone cellulaire et que vous ne pouvez pas vous empêcher de le regarder chaque quelques minutes, un petit tweak qui pourrait faire que ça va être plus facile de le lâcher, nous dit-on. C'est donc le Dr. James Hamblin de The Atlantic qui nous partage ce petit conseil-là pour que votre téléphone attire moins l'attention. Mettre l'écran donc en échelle de gris. Il nous explique que les couleurs brillantes du iPhone attirent notre attention. Là, je dis iPhone, ça peut être votre téléphone en général. Attirent l'attention et nous gardent intéressés, particulièrement le rouge, qui est la couleur des notifications. Ah, OK. Sur les téléphones. Donc, le petit rouge, si t'enlèves la couleur, tout va fondre en un seul, une seule image sans attrait. Et ça va t'enlever la joie d'avoir de péter des bulles en enlevant vos notifications une par une. Donc, ça pourrait être une façon de faire. Pour changer sur votre iPhone, pour mettre en échelle de gris, c'est dans paramètres, général, accessibilité, affichage, filtre de couleur et ensuite grayscale. Il y a aussi la façon de faire sur Android dans l'article. C'est encore plus compliqué dans Android. C'est pas une option qui est facile d'accès, c'est dans l'accessibilité. Là, c'est pour les gens qui ont des problèmes visuels, mais ça pourrait vous aider aussi. Donc, votre téléphone en gris au complet. Pas sûr. Ensuite de ça, on envoie des fichiers entre plusieurs appareils sans les envoyer dans le nuage, sans intermédiaire avec le site Take a File. Je cherchais une façon cette semaine de m'envoyer des fichiers de mon ordinateur à mon téléphone et le contraire. Oui, je me suis posé la question assez souvent. Parce que AirDrop fonctionne pas toujours. Je sais pas si... Ouais, non, c'est pas... C'est pas génial, AirDrop, non, des fois. Moi, en ce moment, il fonctionne pas du tout. Mais bon. Ah ouais? Ouais. Donc, takeafile.com utilise la technologie du peer-to-peer, un peu comme les BitTorrent, les transferts de fichiers de télé et films illégaux, là. Pour transférer des fichiers sans aucun plugin, sans ajout du tout. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est glisser le fichier que vous voulez envoyer dans Takeafile, et ensuite, ça va générer un lien que vous allez pouvoir envoyer au récipiendaire ou même à vous-même sur un autre appareil. Hein. Et lorsque la personne qui reçoit le lien clique dessus, ça va établir une connexion entre les deux furteurs, les deux browsers, et ça va transférer le fichier. Ça utilise le WebRTC dans Chrome et Firefox, voulant dire que vous n'avez pas besoin de rien télécharger. Pas de plugin, pas de rien, c'est juste votre furteur à Internet normal. Et le fichier va être disponible tant et aussi longtemps que le furteur est ouvert. Ah, ouais. Donc, vu que c'est du pair à pair, il faut que les deux aient leur furteur ouvert. On dit que tu as l'option d'envoyer le fichier sur leur serveur si vous voulez vraiment le rendre disponible plus longtemps. C'est une option. Si vous voulez transférer plusieurs fichiers, on recommande de faire un zip pour les envoyer tous en même temps. Donc, vous n'allez jamais envoyer, techniquement, si vous ne demandez pas de l'envoyer sur leur serveur, les fichiers ne vont jamais passer par Takeafile. Ça va être directement d'un téléphone à un autre, d'un téléphone à un ordinateur. Donc, ça s'appelle Takeafile, Takeafile.com. Si ça vous intéresse. Et un dernier petit conseil que, Colin, je peux pas croire que je ne savais pas ça. Ouais. J'espère te l'apprendre aussi. Est-ce que tu savais que tu peux recomposer un numéro sur iPhone en cliquant sur le bouton téléphone? Tu sais, dans ton clavier téléphone, mettons, tu vas dans le téléphone, tu vas dans le clavier, tu viens de faire un appel et tu veux recomposer le dernier numéro, tu repayes sur le téléphone vert en bas du clavier. Hein? Non, je savais pas ça. Et ça fait redial. Ben voyons non. C'était incroyable, je savais pas ça. On l'essaie. Ouais, c'est ça. Eh ben oui, ça appelle pour vrai. Ben c'est pas génial ça. Ça vient d'appeler la sécurité de l'université. Oh, ils vont venir nous débarrer à la porte non, encore? Non. J'espère qu'ils réappelleront pas. Donc c'est OSN Daily qui nous dit que c'est très très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est réappuyer sur le gros bouton vert avec un téléphone dessus. Assez utile pour recomposer, mais aussi, je sais pas si t'as besoin si la personne t'est occupée. Ah, tu peut-être. Dessus. Ou sinon, si t'as eu, si t'as pas fait le bon, la bonne extension sur un téléphone, mettons, tu fais 37751, tu t'es trompé, tu redial juste le numéro. C'est une très bonne idée. Plein d'options. Donc voilà, pour les instructions d'assemblage, moi j'ai appris bien des choses aujourd'hui. Moi aussi. Comme toujours. Alors, on prend une pause. Au retour, je sais que David Ferron s'en vient. David Ferron? D'ici la fin, là, ce serait supposé être le prochain bloc, même qui est devant la porte, David Ferron, donc il s'en vient. Bon. Après, la pause à assemblage requis. Restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Vous êtes toujours dans l'assemblage Ricky avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. David Ferron s'en vient dans 600 secondes exactement. Il a dit 10 minutes, tout ça pour faire imprimer sa feuille puis envoyer des chansons sur Internet. Oui. On lui a dit que sa définition du temps, on croit qu'elle est un petit peu son cerveau défaillante. Va vite. C'est ça. Il y a un petit hamster bien rapide. Mais 10 minutes, c'est extrêmement long. Tu sais, moi, je dirais qu'en 2 minutes 52, c'est-à-dire la prochaine chanson qu'on va entendre, d'après moi, il devrait être de retour. Oui. J'ai l'impression. Je pense aussi. On va lui donner tout le temps possible en écoutant donc Runaway par Beige à Cœur sur l'album Démo 1986. C'est tout neuf dans les palmarès et on l'écoute pour la première fois. Runaway, tout de suite à Assemblage Rock. Tous les jours. c'était Paupières et elle et lui, précédé de Belle Jacquard avec Runaway à Assemblage Rocky. Maintenant, ben, Caroline, en attendant que David arrive. Oui, ben oui, hein, parce que. Retournons à ton autre chronique, t'en avais deux pour aujourd'hui. Oui. Donc voici Tania S. Gotta Entertain You. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Tania, on parle de finances, d'argent, cash money. Ok, oui, les amis. T'as l'air convaincu. Mais c'est ce qu'en fait, tout le monde peut le dire, là, la vie coûte cher. Mais t'sais, hein. Payer hydro, payer le loyer, l'épicerie. Moins pire à Trois-Rivières qu'ailleurs, mais quand même. C'est vrai, c'est vraiment, c'est totalement vrai. Mais, attention, sachez-le, ça devrait être bénéfique pour nous d'ici quelques temps. Parce que les résultats d'une enquête qui a été menée par Morneau-Chappelle, on va en revenir, c'est quoi Morneau-Chappelle? Ne vous inquiétez pas, là, je vous induis pas en erreur comme ça. Mais ça montre que le Québec est la province canadienne qui devrait avoir les plus fortes augmentations de salaire l'année prochaine. Ah oui. Donc d'ici 2018. Et c'est indiqué que les employeurs du Québec prévoient augmenter de 2,6% le salaire de leurs employés en 2018. Est-ce que ça compte les OSBL? Hey, ça c'est merveilleux, là, il faut absolument qu'on applaudisse. Ouais. Donc c'est l'augmentation salariale la plus importante qui est projetée à l'échelle du pays, la moyenne nationale, qui est de 2,3%. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une augmentation aussi haute que ça. Donc, ça veut dire peut-être plus d'argent pour voyager, des nouveaux restos pour boire pour certains, magasiner. Bref, plus d'argent pour s'amuser, surtout plus d'argent dans nos poches. C'est quoi cette espèce d'enquête-là? C'est quoi Morneau-Chappelle? Bien, à la base, Morneau-Chappelle, c'est une société qui offre des services conseils et des technologies en ressources humaines pour adopter une approche qui est intégrative des besoins en matière de santé, d'assurance collective. Des beaux buzzwords. C'est ça, exactement. Et c'est également le chef de file parmi les fournisseurs de programmes d'aide aux employés et à la famille. Et c'est un des principaux administrateurs de régimes de retraite, d'assurance collective, principal fournisseur aussi de solutions intégrées en gestion des absences au Canada, blablabla. Donc, ça existe depuis 50 ans déjà et on est un fournisseur de services conseils, d'impartition dans le secteur des ressources humaines pour plusieurs compagnies. Donc, justement, cette enquête-là est sortie sur leur site Internet il y a quelques temps. Ça a sorti en communiqué de presse et c'est une enquête qui a été faite au début du mois d'août. Donc, c'est récent, là, quand même. Et l'enquête annuelle qui s'appelle « Tendance en ressources humaines » indique que les employeurs sont prudents en ce qui a trait aux augmentations de salaire au Canada, mais que le rendement de leur effectif parmi leurs priorités pour la prochaine année, justement. Donc, comme je disais tout à l'heure, une augmentation salariale moyenne de 2,3% pour 2018. Il s'agit d'une hausse par rapport à l'augmentation moyenne réelle de 2,2% qu'on a connue en 2017. Donc, c'est quand même une moyenne qui est semblable à celle qu'on a eue cette année, là, en 2017. Et c'est une prévision pour 2018 qui tient compte aussi des gels de salaire anticipés. Donc, on a pensé à tout ça, mais ça exclut les rajustements salariaux attribuables à des promotions ou à d'autres causes particulières. Et les employeurs sont relativement optimistes quant à l'avenir justement de ce qu'on peut donner à nos employés, à ce qu'on va pouvoir aussi avoir en tant qu'augmentation au Québec, au Canada et tout ça. Donc, c'est très bon. Maintenant, je me suis posé la question, c'est le fun ça, une augmentation salariale comme ça, calculée par tout le monde pendant X temps, avec une belle enquête. Mais qu'est-ce qui arrive si moi je veux gagner plus d'argent là? T'sais, pressé, hein? Toi. Comme, mettons là, faut que je m'achète une télévision. 32 pouces. 32 pouces. Est-ce qu'il y a des manières de gagner plus d'argent en 2017 au Québec? Je sais pas. Et la réponse est oui. Ah ben! La réponse est oui, vous allez voir, il y en a qui sont loufoques quand même, ok? Je vais pas vous dire de faire ça un peu n'importe comment, mais il y a quand même des solutions que tu peux adopter. C'est sûr que tout le monde connaît le bon vieux truc d'économiser, mais c'est pas nécessairement de faire de l'argent d'économiser, non. C'est d'économiser l'argent que tu gagnes. C'est ça. Là, je te parle de gagner plus un d'argent. Un sideline, tu veux? C'est ça, un sideline ou quelque chose qui fait en sorte que t'as pas besoin de trop demander d'heures de différence à ton employeur actuel pour aller faire quelque chose d'autre, justement. Un complément financier à ton mois. Exactement. Quelque chose qui va t'aider à, tu sais, là, finir les fins de mois. Oui. Hein? Les arrondir. C'est ça. Pouvoir sortir au restaurant en même temps que de payer ton loyer. Et non pas avoir à choisir entre les deux. Exactement. Hein? Pour certains, Tupperware, ça fonctionne. Il y en a plusieurs que c'est la vente directe comme ça. Et c'est, ça se retrouve aussi dans la liste. Pyramidale. Bon, hein, on n'en rentrera pas là-dedans. Mais travailler à la pige, apparemment que c'est un bon moyen de pouvoir faire de l'argent un petit peu plus. Donc, si vous avez des compétences et que vous aimeriez justement monétiser des heures de travail par rapport à ça, bien, il y a des sites Internet qui vous permettent de travailler à la pige en proposant vos compétences aux plus offrants. Donc, par exemple, Upwork ou Fiverr avec deux R. Mais sur Fiverr, par contre, vous allez devoir avoir un service à proposer pour 5$, mais c'est possible de charger davantage pour des extras, sachez-le. Ouais, et on s'entend que faire un logo complet pour une compagnie pour 5$, c'est vraiment se faire avoir. C'est mais ça. Mais si ça peut vous aider financièrement, 5$. 5$. C'est pas cher de l'heure. On s'entend. Pas cher donc, de l'heure. Vous pouvez travailler à la pige comme ça. Vous pouvez faire aussi du micro-travail. Mm-hmm. Qu'est-ce que le concept du micro-travail? Bien, en fait, ça vise à faire effectuer par des humains des petites tâches plus ou moins complexes contre une rémunération. Mm-hmm. Les tâches en question, ça comble souvent des besoins dans des domaines où, par exemple, l'intelligence artificielle est encore peu performante, là, comme l'analyse d'images, ce genre de choses-là. Donc, Amazon vous permet, par exemple, un site Internet qui s'appelle Mechanical Turk et vous allez pouvoir faire du micro-travail tout en étant rémunéré là-dessus. Étrangement, je me suis inscrit à ça, j'ai été refusé. Hein? J'ai pourtant été vraiment maître de leur devoir, mais ça n'a pas fonctionné. Mais là, je suis comme un peu triste d'apprendre que... Tu sais, si moi, j'ai refusé... Si toi, t'as été refusé, c'est clair, moi, je suis refusé. C'est ça. En termes de compétences Internet, comment, je pense que t'es pas mal vanter? Plus développé que moi. Comment ouais, se vanter, j'avais dit tantôt. Exactement. Vous pouvez faire aussi un concept économique complexe, mais en réalité... Faire de l'arbitrage, hein? C'est quelque chose qui peut vous rémunérer. Là, je vous parle pas de faire de l'arbitrage dans un sport, OK? Siffler, non? Non, c'est ça. Je vous parle de faire de l'arbitrage sur différents marchés ou différents sites web. Qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, si un produit est moins cher sur Kijiji que sur eBay, par exemple, si vous avez déjà un petit peu d'argent dans votre compte en banque, mais vous pourriez l'acheter pour le revendre hey sur boy. eBay. Ça, c'est de l'arbitrage. Ça, c'est ce qu'on appelle de faire de l'arbitrage. Certains diraient du crossage. Aussi, tu sais. Mais ça fait un peu ce que les gens faisaient dans Chinatown dans le temps. Oui. C'est un petit peu la même chose, mais sur Internet maintenant. Par la suite, vous pouvez créer votre propre blog. On le sait, il y en a plusieurs qui réussissent à avoir une certaine monétarisation par rapport à tout mais ça. Mais pour une personne qui fait de l'argent là-dessus, il y a des milliers et des millions de gens qui... Qui en ont et qui en font pas partout. Ouais. C'est tout à fait vrai. C'est un coup à essayer, tu sais. C'est un coup à essayer. Tente quelque chose. Il y en a plusieurs qui ont réussi, qui réussissent présentement. Faut que tu fasses controverse ou que tu sois vraiment, vraiment... passionné. Oui, passionné, qu'un bon cercle d'amis. Que tu y mettes beaucoup de temps, exactement. Mm-hmm. Un bon cercle d'amis aussi, ouais. Des bons contacts pour savoir sur qui cliquer et ne pas cliquer. Par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est donner des cours. Par exemple, que vous parlez couramment plusieurs langues. Mettons que vous êtes doué en mathématiques. Oui. Vous avez une informatique assez développée comme toi, par exemple, Mathieu. Allô. Ou dans n'importe quel autre domaine. Tu sais, je sais pas, moi, t'es bon en cuisine, OK? Bon, mais vous pourriez faire bénéficier le monde de vos atouts. C'est-à-dire que vous pourriez vous inscrire comme étant prof sur des sites comme, par exemple, Superprof, Tutor... Live Mentor, ça vous permet de donner des cours particuliers en visioconférence. Oui, ça c'est devant une caméra et à la Skype, FaceTime. Exactement, donc si vous visez par exemple à rejoindre davantage d'étudiants, vous pourriez aussi créer des cours sur par exemple Udemy. C'est une plus grande plateforme d'apprentissage en ligne avec plus de 13 millions d'étudiants. Wow. Et vous pourriez être rémunéré pour tout ça. Mm-hmm. Donc vos atouts, vous devez les connaître. C'est comme ça que vous allez un petit peu apprendre à arrondir vos fins de mois. T'sais. Vous pouvez devenir traducteur. Si vous avez toujours rêvé de faire de la traduction, bien le site OnBabble, ça vous permet de gagner entre 8 et 18 $ de l'heure. Wow. En réalisant des petits mandats de traduction directement sur votre téléphone. J'aime donc bien ça. Moi, celle-là, je l'ai pris par, hein? Je l'ai pris à cœur. Il y a Netflix aussi, il y a un site, je me rappelle pas c'est quoi le nom, je l'ai pas là parce que je l'ai pas. Ouais. Mais Netflix, tu peux aussi faire la traduction avec eux, c'est Hermès quelque chose, leur site, mais ça existe. Tu sais, c'est le genre de choses qui fait en sorte que ton fin de mois est pas mal moins difficile à vivre dans ton appartement. Vous pouvez vendre vos vieilles affaires aussi. Oui, ça je pense que... Tu sais, sur Kijiji, c'était la première étape eBay. Dans mon cas. J'ai plus rien à vendre. C'est ça. Exactement. Craigslist, Let Go. T'sais, ça va vous permettre de vendre tous ces objets qui vous servent plus à rien. Puis il suffit quand même juste de publier une annonce avec une image, un prix. Laissez les potentiels acheteurs vous contacter, vous titiller par rapport à leurs demandes. C'est ça. Allez sur tous les sites de vente sauf eBay parce qu'eux autres, là, eux autres, ils vous fourrent ça. En effet. Allez sur Kijiji, puis les packs, c'est gratuit maintenant. T'as bien raison. Apparemment que la tendance est à la location, Mathieu. Ah oui. Donc, louer nos objets. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, sur le site MaxLux, ça estime que la valeur moyenne des objets peu utilisés des Québécois se situe entre 6 000 et 7 000 $. C'est pour ça que le site permet de rentabiliser chaque objet qui traîne au fond de vos tiroirs en les louant. Ben, voyons donc. Donc, vous pourriez, par exemple, louer votre perceuse, vos outils de bricolage, votre appareil photo, si vous y tenez pas trop. Et vous pourriez voir, justement, louer quelques objets comme ça pour rentabiliser avec un certain montant. C'est une bonne idée, j'avoue. C'est une très bonne idée. Tant qu'à l'emprunter au voisin. Exactement. Vous pouvez faire de l'artisanat, c'est-à-dire que si vous êtes bon là, avec les DIY, là, puis... Un petit peu de pot-pourri. C'est ça, du pot-pourri, puis tout ce genre d'affaires-là. Bien, la création artisanale, c'est quelque chose qui est recherché. Merci Pinterest. Ouais. Vous pouvez faire en sorte que vous allez vous créer une espèce de petit marché à pouvoir justement faire de l'artisanat comme ça et les vendre. Ouais. On connaît tous les bons vieux classiques de devenir YouTuber, de devenir photographe. C'est pas tout le monde qui peut devenir YouTuber. Non, en effet, il faut le dire. Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez, je sais pas moi, la main culinaire, mais vous pourriez vendre des petits plats faits maison. Ah! Moi, je connais des gens qui font ça. C'est une bonne idée, ça. C'est excellent. Ça aide si vous connaissez quelqu'un qui a un commerce, par exemple. Je sais pas, moi, votre cousine est coiffeuse ou est artiste ongulaire. Artiste ongulaire! Ben, ma cousine fait ça. C'est ça, le mot? Puis, elle a honnêtement une clientèle pour ça. Tu sais, si t'as de la sauce à spag à vendre, là... Ouais. Bon, ben, elle a vraiment une clientèle qui font comme « Ah, Miane, t'as de la sauce à spag, je t'en achète deux pots. » Est-ce qu'il y a un salon, donc, qui s'appelle la pierre angulaire? Non. Avoue que ça serait pas pire. Non. Pense-y. Il y en a pas. Mais ce que vous pouvez faire, justement, c'est les préparer, les vendre comme ça, et automatiquement, vous allez pouvoir vous faire un petit peu plus d'argent. Le prochain, Mathieu, je pense que tu le connais très bien, c'est de participer à des sondages. Ben oui, j'en fais au moins un par jour. Exactement. Ben, il y a beaucoup d'entreprises qui font des sondages pour justement mieux comprendre le comportement, par exemple, de leurs clients, de leurs acheteurs. Et vous pouvez participer à l'un de ces, ces sondages-là tout en étant rémunéré sur ça. Le site, par exemple, LégerWeb. Oui. Je ne sais pas si c'est celui-là que tu utilises. C'est mon préféré. Il y a aussi Swagbox qui vous permet de gagner des cartes cadeaux en répondant à des questions en ligne. Puis les gens disent, bon, c'est pas payé cher. De l'heure, blablabla, je perds mon temps. Ouais, mais en même temps, c'est ça où tu es en train de regarder la TV, t'sais. Exactement. Fait que, tu sais. 1,50 pour un sondage qui prend 10 minutes. Le temps, c'est de l'argent. C'est directement dans ta poche. Come on. C'est ça. Le prochain, moi, en tout cas, moi, je serais pas super down à ça pour les deux prochains. Okay. C'est essayer des médicaments. Oui, non. Oui, non. Personne veut vraiment jouer avec sa santé, honnêtement. Les essais cliniques, c'est très mal perçu. Mais du bon côté des choses, apparemment qu'il s'agit d'aider la science à avancer et d'être rémunéré en contrepartie. Ah, je ne suis pas un cochon d'Inde. Au Québec, OK? Si on regarde au Québec, le chef de file de l'industrie, c'est Algorithme Pharma. Okay. Ça compte plus de 20 années d'expérience et vous pourriez être rémunéré, par exemple, pour essayer des médicaments. C'est sûr qu'eux, ils vont pas être n'importe qui pour essayer leurs médicaments. Là, déjà, à la base, ils vont aller chercher des gens qui semblent être visés par le besoin recherché. Là, ne vous inquiétez pas, les cornes vous pousseront pas. Mais je te dirais que moi, je serais pas t'amenée à aller là-dessus. Par la suite... Le deuxième où je suis pas super sûre, c'est de louer votre appartement sur Airbnb. C'est un peu dangereux, ça. Hein? J'ai des amis qui, à Montréal, vivaient dans un appartement et en dessous d'eux, ils faisaient ça. Ah ben oui, c'est rassurant, ça, c'est dans un bloc. C'est surtout pas plaisant pour les gens qui vivent autour. Mais lorsque vous quittez, par exemple, votre appartement pour quelques jours, il y en a beaucoup qui le font à Montréal maintenant, mais vous pouvez le louer... pour faire quelques dollars. Donc, il suffit en fait de vous inscrire sur le site Airbnb en tant qu'hôte, de publier une annonce avec le prix et les photos de votre appartement. Et même si le site offre une garantie et des assurances allant jusqu'à 1 million de dollars canadiens, faites attention à qui vous louez votre appartement. Je pense que c'est surtout ça l'affaire. C'est faites une recherche justement à qui vous allez louer. Assurez-vous que lorsque la personne arrive, ils vont pas partir avec la télévision, le sofa, le frigo, tu sais. Vraiment, faites une petite recherche ça, si ça, ça vous intéresse. Ça va être assuré, mais à un moment donné, il y a comme un processus à suivre, puis probablement déductible ou je sais pas trop quoi pour réclamer après ça. Fait que ça doit pas être si simple que ça de se faire rembourser sa TV. Non, ça doit pas. En tout cas. Le prochain, c'est pour les gens qui adorent les animaux. Oh. Et celui-là, je pense qu'il m'interpelle un petit peu à part pour les chats. Oh. C'est de faire du pet sitting. Ah, oui. C'est du gardiennage d'animaux, en fait. Si vous aimez les animaux, c'est un petit peu basé sur le babysitting, là, on s'entend. Mais si, si justement vous aimez les animaux et sachez que c'est possible de garder ou de promener un animal de compagnie à l'occasion et de se faire de l'argent avec ça. J'aime ça. Vous pouvez aller sur le site Paw Shake, comme une poignée de pâtes. Ah, Paw, ouais, P-A-W. Exactement, okay. Paw Shake. Donc, ça vous permet de devenir gardien d'animaux. Il suffit de mettre en ligne votre profil avec une photo, le prix que vous allez proposer pour que les personnes à la recherche d'un gardien puissent vous repérer. Et si jamais, par exemple, ces personnes-là s'en vont pour, je sais pas moi, 2 jours, et que vous, vous n'ayez pas de problème avec le fait d'avoir un animal dans votre appartement ou du moins dans votre maison, bien, vous pourriez vous ramasser à faire du pet sitting. Oh. Ou juste devoir aller le nourrir ou aller le promener là, une soirée pendant que le maître n'est pas là. Il n'y a aucun désavantage à ça. Il n'y a aucun désavantage à aller faire du pet sitting. Pour vrai. Tu sais, celui-là, moi, je le trouve vraiment incroyable. Ah, OK, peut-être que tu vas avoir un chien vraiment méchant. Peut-être. Mais c'est rare. Mais c'est vraiment très rare. Ouais. C'est vraiment très, très rare. Le prochain, c'est un peu bizarre. J'ai jamais vu ça ici au Québec encore, mais apparemment que ça se fait aussi ici. C'est d'afficher de la publicité sur notre propre voiture. Ben donc, en fait, c'est non. Être... oui, c'est être payé pour conduire sa propre voiture. Il n'y a rien de mieux à ça. Mais le concept est quand même assez simple. Vous allez transformer votre carrosserie en panneau. Toute publicitaire, la carrosserie. Et vous allez recevoir une compensation en contrepartie qui varie selon la durée de la campagne. Donc, par exemple, vous pouvez visiter le site Market Your Car et ça vous propose de gagner jusqu'à 800 $ par mois en affichant de la publicité sur votre voiture. Ben, voyons donc. Mais... vous pouvez vous ramasser avec pas mal n'importe quelle sorte de publicité sur votre voiture. Sachez-le. Ben, j'allais demander si quelque chose comme ça devait être légal, mais en même temps, c'est comme mettre des autocollants de n'importe quoi sur ton auto. Exactement. Ouais. Du côté de Montréal, parce que ça se fait pas nécessairement encore ici du côté de Trois-Rivières, mais vous pouvez devenir chauffeur Uber. Oui. Ben oui, même si depuis quelques temps, c'est comme une source de polémique. Mm-hmm. C'est aussi un... Tout est une source de polémique. C'est ça, exactement. C'est encore un petit peu... C'est touchy, Uber, ouais. On dirait, mais c'est aussi un moyen de faire de l'argent en conduisant notre propre voiture, donc chose que vous aimez si vous possédez une voiture, et en devenant chauffeur Uber X. Mm-hmm. OK, pas Uber, mais Uber X. C'est la version plus luxueuse, ça? Non, c'est moins luxueux, en fait. Ah, OK. Vous allez être rémunéré pour chaque course que vous allez faire, et sachez toutefois que, suite à une entente intervenue avec Uber et le gouvernement du Québec, là, vous allez devoir aller chercher vos numéros de taxes pour devenir un chauffeur Uber X maintenant. C'est moins tentant. C'est moins tentant, mais vous pouvez quand même faire un petit peu d'argent avec tout ça. Donc, vos fins de mois n'ont plus de raison d'être dans le rouge. Enfin. Vous comprenez? Il y en a au moins un là-dedans que tout le monde pourrait faire. Exactement. Vous pouvez aussi devenir écrivain en herbe. Hein? Et apparemment que ça peut vous rémunérer. Si vous avez une bonne plume, si vous faites pas trop de fautes d'orthographe, bien vous pouvez franchir le pas en écrivant quelques articles sur les sujets qui vous passionnent le plus. Le site Text Broker, ça vous permet de gagner quelques sous sur les articles que vous allez écrire. Par ailleurs, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui sont sans cesse à la recherche d'écrivains d'un jour pour enrichir leur contenu. Donc, vous pourriez devenir un de ces rédacteurs-là avec en prime votre nom qui apparaît à la fin de l'article et le comble de la satisfaction d'être enfin devenu un écrivain. Ah, wow! C'est merveilleux! Le rêve! Le rêve! Il y a tellement... d'options que je pense que je vais prendre le pet sitting. C'est pas pire, hein? Pour vrai. Évidemment, il y a le baby sitting. Ouais. Rappelez-vous que c'est mais comme ça enfants. Qu'on gagnait de l'argent à 14 ans. Mais les enfants. Tu sais? Je pense que j'aime mieux garder un chien qu'un enfant. Vraiment ça. Puis j'aime pas les chiens. À part si c'est mon neveu ou ma nièce, mais. C'est ça. Je pense que j'aime mieux aller promener un chien. Tout à fait d'accord. Hey, c'était vraiment le fun, ça, Tania. C'est bien, hein? Quelle belle liste. Voilà. T'as tellement de bons conseils à nous merci, offrir. Merci, merci. Voilà. On prend une pause. Au retour, un jour, on oui? vous promet que David Ferron va arriver. Ah, je oh, justement. Wow! Incroyable. On prend une pause, on revient avec David Ferron et sa carte bleachée. Reste là. C'est fou! 89.1. Toujours à Assemblage Rocky pour la semaine du 21 août 2017. Dans quelques instants, la carte bleachée de David Ferron. On va écouter de la musique ensemble. Mais avant ça, justement, en musique, écoutons Amor Blitz, une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est la transcendance à Assemblage Rocky sur C'est fou. Amor Blitz, c'est la transcendance à Assemblage Rocky, toujours à l'émission estivale en pièces détachées. Il nous reste seulement quelques émissions avant la fin de la saison. Mm-hmm. On va retourner au matin bientôt. Faut se préparer. C'est vrai. On va retourner au matin en septembre, mais pour l'instant, on est toujours le jeudi après-midi. On rappelle les samedis après-midi et les mercredis matin. On l'a promis depuis un bon bout de temps. David Ferron a pris ses 10 minutes allongées pour nous envoyer ses chansons et s'installer en studio. Salut David. Salut. Ça va? Ben oui, merci vous deux. On dirait que le temps était relatif pour toi. Ouais, ben en fait, la technologie décide de se jouer du concept de temps. Le problème est souvent derrière la technologie. Ben, ou devant. En fait, la technologie était vraiment sur moi. Ah voilà. Sur mon dos. Bref, c'est à ton tour, David. Voici la carte bleachée. Thank you. c'est la carte bleachée avec David Ferron. La dernière fois qu'on a croisé David Ferron en studio, c'était la fois où t'as fait une sieste sur notre divan spacieux. Oui. On se souvient, on a essayé de te réveiller avec une boîte de céréales et ça n'a pas vraiment marché. Ben, vous êtes peut-être trop subtil. Peut-être, hein. Il aurait fallu me rouer de coups. C'est ça. Et là, on a remplacé la boîte de céréales par une boîte de mouchoirs en studio. Mm-hmm. On s'est dit que ça allait t'aider aussi. Ben, c'est ça qu'on va manger dans une pointe, t'as le reste. Ah, wow. Allergie? Ah non. Non. Bref, David, t'es là pour nous parler de musique aujourd'hui. Paraîtrait-il. Tu nous as amené des petits MP3, là. Oui. Ça va être bon, ça, à se faire jouer ça. De quoi est-ce qu'on parle comme style musical? Toutes sortes de choses, mais ça va être assez smooth aujourd'hui. OK. Oh, smooth. Non, on ne dansera pas, on n'aura pas de crampe aux reins. OK. Eh non. C'est pour ça les mouchoirs, hein, c'est doux comme un petit chat. Oui. Chat blanc. Oui, exactement. Quand il ne reste plus de papier de toilette. C'est ça. T'as vu aussi, il y a une publicité en ce moment avec des stylos. Je pense que c'est Bic. Puis t'as un chat qui se roule sur l'encre pour montrer que l'encre assèche vite. Ah ouais. C'est quasiment plus cute qu'une pute de papier de toilette. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Pas sûr de ça. C'est vrai. On dirait qu'à chaque fois qu'on utilise un chat, les effets en réalité sont toujours moins bons. J'avoue que là, on est deux contre un. Hein. Moi, j'aime les chats, mais Tania et David n'aiment pas les chats. Non, non, moi, j'aime vraiment pas ça. Ben, moi, c'est les chats qui m'aiment pas. Ah! Ils sentent ton... je sais pas, mon appréhension... C'est sûr que j'étais pas un guépard dans une autre vie. Ou j'étais un guépard, mais je me suis fait manger par un lion. You're not a gay pork. Il n'est pas un guépard. Attends, t'as pas le dessus. Oui. Okay. Réécoutez cette blague plusieurs fois et vous allez la comprendre. Rions en cœur. Donc, tu nous as amené trois pièces de trois styles doux. Oui. Voilà, dans la catégorie musique douce. Oui. Ça tombe bien, on est au mois d'août. Musique doux. Ah, ouais. Mais là, on passe la mi-août, fait que ça sera pas des chansons pour chats. Passons à un autre sujet, s'il te plaît. Bref, ces trois chansons qui vont sûrement vous faire ronronner les tympans. Wow. Oui. Ben, je vais vous les présenter tout de suite. S'il te plaît. Oui. Hey, c'est pas pire, je commence à embrayer vite, là. C'est ça. Il y a une évolution, hein. Ouais. Pas besoin de trop le pousser, là. Il fait tout seul, là. Oui, donc la première pièce s'appelle Rainbow, donc Arc-en-ciel, mm-hmm. de Diage. OK. Donc, j'ai encore vous écœuré avec l'Eurovision. Non, pas encore le concours de chant européen. Hein? Oui, puis là, en plus, il y a comme plein de spin-offs. OK, des spin-offs, donc? Ben, je fais une petite parenthèse, okay. Parce que j'aurais présenté ma toune, mais je fais une petite parenthèse parce que là, il y a trois semaines ou un mois, il y a eu l'Eurovision des chorales. OK. Il y a eu Eurovision pour enfants. Hum. Mm-hmm. Puis Eurovision pour les orchestres symphoniques. C'est pareil comme la voix, là. Ben oui. Ouais. Mais il y a plein de spin-offs. Mm-hmm. Encore plus de spin-offs. Mm-hmm. Ça ne finit plus. Puis il va y avoir une Eurovision en Asie. Au lieu que ça s'appelle, mettons, Asia Vision, ben ça va s'appeler Eurovision Asia. Ben voyons donc, franchement. Ouais. Ça n'a aucun sens, ça s'appelle Eurovision Asia. Ouais, pour dire que ça appartient à l'Eurovision. Ouais, là. Mais ça n'a pas rapport avec l'Europe. Ben, c'est comme... Ben, sauf que ça va être un concours de pays asiatiques. Ouais. Bref, fermons la parenthèse. Okay. Donc, pour revenir à Diage, parce qu'en fait, la chanteuse du groupe Diage, Diana Ayeyeva, mm-hmm. c'est la participante azérie. Donc, azérie, c'est de l'Azerbaïdjan, okay. de la plus récente édition. Donc, c'est elle qui a représenté l'Azerbaïdjan. Et il y a quelques semaines, elle, c'est-à-dire Diana et son groupe, ont sorti un album qui s'appelle TEOS pour The End of the Sunrise, mm-hmm. dans laquelle la chanson qu'elle a utilisée pour le concours n'est même pas dedans. OK. C'est le fun, ça veut dire qu'il n'est pas opportuniste. Mm-hmm. Donc, la chanson que je vais vous présenter, Rainbow, c'est de façon, la pièce Kelton, ce qu'elle a chanté, ça n'aurait pas fité dans l'album. C'est vraiment plus smooth, c'est de la bonne pop. C'est pas de la pop sucrée, c'est plus de la pop atmosphérique. C'est de la genre de pièce plus électro, pas lente nécessairement, mais t'écoutes ça sur une plage le soir, okay. en plein coucher de soleil. Ou ouais. chill. Oui, en train de niaiser sur une terrasse avec un chien tranquille. Okay. Mais pas un caniche, c'est plus un chien ouais. labrador fatigué. C'est le fun, c'est comme une chronique genre d'accord, chanson ouais, et animal ça. De compagnie. Oui. De... Ouais. Ben, les chats, c'est toujours des trucs pas mangeables. J'embarque pas là-dedans. OK. Donc, la deuxième pièce que je vais vous présenter, c'est Amsterdam de Gregory Alan Isakov. Mm-hmm. Si vous aimez les tunes du genre Patrick Watson, Damien Rice ou encore Coldplay dans le temps qui était bon. C'est ça, faut le dire. Oui, c'est important parce que t'as le Coldplay à une certaine époque puis le Coldplay de maintenant. Oh boy. Les milléniennes ne savent pas. C'est triste. Ces fameux millennials. Ouais. Donc, pour revenir à Monsieur Alan Isakov, eh bien, sa pièce que je vais vous présenter, Amsterdam, c'est tirée de l'album The Weather Man, qui est sorti en 2013. Mm-hmm. Et la signification de la chanson Amsterdam, ça peut laisser à toutes sortes d'interprétations. Par exemple, sur le site songsmeanings.com, donc quand vous savez pas ce qu'une toune ça veut dire, ben vous essayez d'aller trouver cette toune-là sur songsmeanings.com, puis ça se peut que vous trouvez la signification. Et là, un internaute sur le site pense que c'est la perception de la spiritualité sur nos vies. Mais ça, on peut l'interpréter de n'importe quelle manière, la chanson. Parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur cette chanson. Oui, exactement. Ouais. C'est pas l'artiste qui a dit, mais ça veut dire ça. Tu sais, au début de la toune, tu penses que c'est un couple qui se promène en à Amsterdam, mais plus... Dans le vidéoclip. J'ai pas vu le vidéoclip. Je sais même pas s'il y en a un. Ben, c'est comment tu sais qu'il marche à Amsterdam? Ben, en fait, quand tu lis les paroles, ouais, okay. C'est ça. Quand tu lis les paroles, c'est l'histoire, t'as l'impression que c'est un couple qui tienne la main, okay, dans la main, mais c'est de moins en moins ça. Ça parle d'ombre après ça et de tous les péchés que la personne a fait, mais que quelqu'un va le suivre pareil. Entre l'ombre et la lumière. Ouais, ben d'ailleurs, il y a Marc Carmen qui fait un caméo dans ça. Wow. C'est ça. Elle rap dessus. Ouais. Ouais, exactement. Ah ouais? Ouais. Elle se réinvente. Puis bientôt, elle va faire une pièce dubstep qui va s'appeler Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'Amsterdam, ben c'est folk. Okay. Non, je dis n'importe quoi. Ça paraît pas. Bref, c'était la pièce Amsterdam de Gregory Alan Isakov. Et la troisième pièce, c'est Laza de Sella. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est morte, elle, non? Oui, ouais. Entre autres, mais avant... C'est tout ce qu'on sait d'elle. Ben, ah, c'est triste. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais... En... Mais c'est souvent ça, les gens, on les connaît pas. Ben ouais. Ben c'est comme Régent Ducharme, là. Oui, oui, oui, l'auteur. Ben oui, exactement, qui est mort, puis que soudainement, il est pas reconnu, alors qu'il y avait quand même... C'est juste qu'il a fait deux bons livres qui ont été super connus, puis après ça, il était moins connu, mais c'était une ermite, Régent Ducharme. Il paraît qu'on voyait juste deux photos de lui dans sa vie. Mais c'est pas une raison pour Jeff Fillion de dire c'est qui cet épais-là, hein? Épais lui. Ah, en tout cas, bref, pour revenir à nos moutons, mais Laza de Sella, c'est loin de quelqu'un qui va beugler ou quoi que ce soit. C'est une chanteuse assez importante parce qu'en 1987, qu'elle a, donc ça fait 20 ans, c'est pour ça que je vous la présente, parce que on célèbre, en fait, ça fait plus que... Ben, c'est sorti en 87 en janvier, donc là, faut que je le présente cette année parce que janvier, c'est quand même un peu loin. Mm-hmm. Donc, en 1997, il y a une bombe dans la musique du monde au Québec, même dans la musique québécoise, pas juste musique du monde, mais partout au Québec. Eh bien, ça allait exploser le cours des choses avec l'album La Llorona, qui veut dire la pleureuse. Ah. Et l'album se vend 400 000 exemplaires au Québec et en France. C'est quand même bien. Pas pire, ouais. Donc, 10 000 au Québec en seulement un mois lors de sa sortie. Coudon. Et l'album reçoit 4 nominations, dont 2 prix. Donc, ça va être quand même très bien. Puis aussi, en plus, elle bat Arcade Fire sur un aspect. C'est-à-dire que le Polaris, parce qu'on connaît le prix Polaris qui décerne l'album, le meilleur album canadien à chaque année, mais il y a un album de la décennie 96-2005 qui a été remis à, justement, La Llorona de la Zatella, et c'est devant, en plus, mettons, Funeral de Arcade Fire. Mm-hmm. Donc, elle a battu Arcade Fire. Bravo! Pis c'est bien parce qu'après ça, ils ont l'heure dans la pomme. Il est pas bon! Ah, David! C'est vrai! Tu l'aimes pas. Il est pas bon, tu l'aimes pas. Non, il est juste pas bon. La misère avec ça. Non, je le sais. Mais c'est que moi, j'ai pas aimé ça. C'est très divisif, le dernier album d'Arcade Fire. Soit que t'adores, soit que t'aimes pas. Mm-hmm. Ou t'es déçu. Ou que tu l'as pas écouté comme moi. Ben, perds pas ton temps. Non, non, ok. Profite plutôt des versions bêta de macOS Supreme OX 1000+. Crème fouettée. Oui. Ouais. J'ai faim. T'as vu Android Oreo? Oui. Mm. Ça a l'air bien et appétissant. Ouais. Mais bref, pour revenir à la Z de celle-là, je vais vous présenter la pièce La Celestina, tirée de l'album La Llorona, qui est sortie en 97. Mais avant ça, Diage et la pièce Rainbow. On écoute ça tout de suite, oui. Dans la carte d'Itché de David Ferron. Et préparez votre apéro. What I see is blood. Our Amsterdam, she flies. espinas. Te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y haz de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba a dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces tu vois, ici, on n'a pas besoin d'insérer de spoiler alert. La Celestella est morte depuis longtemps. Fait qu'il n'y aura pas de meme sur Facebook pour nous brûler sa mort. Pis voilà. Comme dans Game of Thrones. Puis ce qui est plate, c'est qu'elle ne pourra plus jamais faire de la musique. Non. Ça, c'est vraiment plate parce que je trouvais que la Celestella portait quelque chose qui était accessible, mais en même temps ouvert sur le monde. Mm-hmm. Ça a l'air cliché ce que je dis, comme si je lisais un article d'album. Mais la Celestella a beaucoup apporté parce qu'en fait, elle a habité en Californie, elle est née au Mexique, puis elle a aimé beaucoup de jazz aussi. On pensait que, en fait, quand le producteur travaillait sur son album, quand il l'a rencontré, il pensait que quand elle va chanter, ça sonnerait comme du Ella Fitzgerald, mais pas pantoute. Et ça a l'air, petite anecdote, je sais pas, j'ai le temps. Ben oui, vas-y. C'est que ça a l'air que quand elle a chanté, il y a quelqu'un qui pensait qu'il entendait chanter, qui a emmené du vin à la Celestella pour dire merci. Oh wow! Ça, oui, parce que la voix, c'est pas une grande voix forte, mais il y a quelque chose de viscéral. Ouais. Des fois, c'est pas la force, mais ce qui dégage de la voix. Feeling. Je sais pas si ça vous arrive d'écouter une voix, puis c'est comme ouf! Je sais que les gens ressentent des sensations en écoutant de la musique, ça m'est jamais arrivé. Ah, c'est triste. Ça dépend lesquels. Ouais? Ouais. Comme. T'en as pas qui sont reliés, mettons, à des souvenirs? pas vraiment. Non. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, la plupart du temps, ça va être comme ça, je pense. Tu sais, mettons la première fois que t'as flatté Geisha. Je pense que t'as pas dit autre chose. Donc, on a entendu la scène de celle-là avec la Célestine sur l'album La Corona. Ouais, la Yon. Mais je sais pas si je l'ai dit comme il faut. Je pense que tu le dis même mieux que moi. Je sais pas. Mes cours d'espagnol au cégep sont très loin derrière moi. Ben, vu que Tania, t'es la plus jeune, tu dois être celle qui est le plus à jour dans la prononciation espagnole. Pourquoi? Mais boy! C'est quoi le lien? J'ai passé mon cours d'espagnol grâce à Google Translation parce que j'avais la mononucléose. Oh! Ah! Et c'est pas des blagues, j'ai passé à 92%. Hey, bro. Donc, t'es trilingue parce que t'as été malade. C'est ça, je suis trilingue parce que j'allais au cours pareil, mais je faisais pas les travaux, je les faisais sur Google. Ça marche au moins. C'est une bonne preuve que j'suis ça fonctionne. Désolée, au collège La Flèche, j'avais de vous apprendre ça. Oh, wow. Fierté La Flèche. Fierté La Flèche. Wow. David, merci pour ta sélection musicale. Ben, ça fait plaisir. Je suis content que personne ne soit endormi ou mort d'ennui. Non, mais la thématique était la musique chill et ça a bien fonctionné. Ça c'était très chill. Ça faisait plus vieux, même si on n'annonce pas de pluie en direct aujourd'hui, jeudi. On va voir si les rediffusions, elles, vont avoir de la pluie peut-être. Mais je me sens comme ça dans ma vie. Je m'excuse, je parle de ma vie personnelle. Mais je me sens comme ça, moudou. Il sent Louis-José Moudou. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. Parrainer un enfant, puis après ça, je vais vendre des scraps à la TV. Ouais. Ah! Ben, c'est parce que Louis-José Mondou, avant de faire téléachat, elle admet Vision Mondiale. C'est vrai, t'as raison. Mm-hmm. Fait que je trouvais ça un peu ironique. Est-ce qu'on a encore des infopubs québécoises? Parce que j'ai écouté récemment The Shopping Channel. Il y en a pas beaucoup, hein, je crois. Non. Canadienne. Non. En tout cas, je regarde pas ça. Je suis au travail. Il y avait une chaîne complète d'infopubs avant. Oui, je me rappelle. C'était pas le 8. Je pense que oui. Oui, hein? Quelque chose de genre. Ben, Marie-Lou a pas l'intention de sortir une marque de smoothies au kale puis en vendre à la TV? Non, avant des tabliers, je pense. Ah ouais? Pour payer son divorce. Ah, oh, c'est chien! Écoute, j'osais pas le dire. Bienvenue à Émission Pas de temps. Oui, j'osais pas le dire, mais maintenant que Mathieu a sauté dedans à pieds joints. Ah, on sortit les pots ici, on s'en sort. Enfin, j'essayais de donner une valorisation à Marie-Lou pour dire que c'est une bonne entrepreneur, puis vous scrapez ça. Ah non, mais on n'a pas dit qu'elle était pas une bonne entrepreneur. On a dit qu'elle divorçait. On a juste dit qu'elle devrait, à la place de s'appeler Marie-Lou, elle devrait s'appeler Divorce-Lou. Ça coûte cher, divorcer. C'est juste ça qu'on a dit. Avec son empire. Ça, la miam, ça devrait pas être pire. Bref, on a passé beaucoup trop de temps sur ça. Hein? Ouais. Tu te restes avec nous, David? Un peu? Oui. Oui, good. Bon. Ben, si vous voulez, mais il n'y a rien à bouffer. Il n'y a rien à bouffer, malheureusement. Il s'en va. C'est drôle, je ne l'avais pas encore annoncé. Là, c'est dit, il n'y aura rien à manger. Dans une grosse pointe d'adresse, mais c'est pas grave, on a un petit blitz de nouvelles de fast-food dans quelques instants. On prend une pause et on revient. Vous êtes à l'assemblage, Ruki? Ouais! Plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes toujours dans l'assemblage Ricky avec David Ferron, Tania Baudin et Mathieu Plante. Oh, que oui! Tu viens d'upgrader David Ferron au poste de co-animateur en disant ça, non? Ben pourquoi? J'ai dit qu'il était avec nous. Oh oui, c'est un invité. Ben oui, exactement. Il passe après nous autres. Ok, je suis désolée. C'est ça. C'est parce qu'on a toujours dit que c'était impoli de nommer en premier personne. Nomme-moi. Mais je voulais que tu t'auto-promo. M'auto-promouvoie. C'est ça, je voulais que tu fasses ta propre promo, Mathieu. David Ferron qui est avec nous pour la dernière partie de l'émission, pour une grosse pointe en adresse qu'on va se faire tous ensemble. On n'a malheureusement pas de produits à goûter. Bouh! Oh mon Dieu! C'est fort, ça! Bouh! Ouais, tu me fais mal! Bouh! Bouh! Bref, c'est une grosse... T'en as pas plus à mener, c'est que t'as chialé. Ouais, c'est ça. Rage! Vive la meute! Oui, le tof. Oh mon Dieu, sors d'ici! Il parlait de Marie-Lou, puis il parle de loup. Oui, c'est ça. Hein? Tu parles des loups de l'université, toi. Ouais. Ah, la nouvelle équipe sportive. Non, n'importe quoi. Tu connais pas les loups, David? Je pensais qu'un gars qui avait été en sport comme toi connaissait ça. Ben, c'était peut-être pas existant à mon époque. Ah, ben, je pense que ça existe plus là. Ah. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est une confrérie? Vous connaissez pas? Ah oui, oui, oui. Peut-être que j'aimerais pas parler de ça. Non, mais j'avoue, t'as raison. Okay, attends un peu, parce que c'est, non, c'est un bon point, parce que je pensais vraiment que l'histoire des, de la meute, ça avait rapport avec ces susmentionnés loups de la meute de l'UQTR. Ça n'a pas rapport avec nous autres. C'est non, ça? Exactement. Okay. C'est une autre meute. Ben, lui, je pense qu'il parle de la meute à Charlottesville. Non, à Québec. Meute, Québec, ouais. À Québec. Je suis mêlé, moi. Ouais, moi aussi, là. Il y a trop de loups. Exactement. Bref. Mais je pensais que tu connaissais les loups de l'UQTR, David. Je suis désolée. Ah bon. Mais raconte-nous, là. Mets-nous en contexte. Mais vous connaissez pas la confrérie des loups? Explique-la quand même si les gens savent c'est quoi. Ben, ça a été fondé quand même en 2014, je pense. Ah, ben c'est sûr, j'étais plus d'impatriote. C'était c'est... eux, là, les parties, genre, sans oui, c'est non, là, les parties de sauf une fois au chalet, là. C'est ça? Je ne suis pas certaine. Ah, ben oui. Non, eux, la plupart du temps, ça va se passer à l'extérieur du campus de l'université. Okay. Mais c'est un groupe privé d'étudiants qui participent et qui organise des événements, là, puis des activités pour favoriser une vie étudiante incroyable. OK, mais il n'y avait pas de truc de viol là-dedans, là. Non! Hein? Non! Je sais pas. Non! Okay. Mais c'est comme une confrérie, tu sais. C'est pas n'importe qui est un loup, là. T'as le droit d'être invité à un party des loups, mais c'est comme. C'est ça. Bon. Ben, c'est comme ça dans le temps, là. Je sais pas si c'est encore comme ça. Bref, non, je connaissais pas ça et ça me dérange pas tant. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais. OK, bye! OK, on a assez parlé de ça. Assez parlé de ça. C'est le moment de parler de fast-food à la place. Donc, voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on parle de nouvelles fast-food quand on n'a rien à se mettre sous la dent, malheureusement. David, tu me faisais des signes, est-ce que ça voulait dire quelque chose ou est-ce que je devais comprendre ce que tu me disais? Ben, en fait, le beat de l'intro, ça donne trop le goût de taper sur les mains ou sur le comptoir. Et David a de la difficulté à se retenir de frapper partout. Ben voyons, de quoi tu parles? J'ai jamais remarqué ça. Je sais pas de quoi tu parles. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a rien à se mettre sous la dent, malheureusement. J'ai oublié, c'est ma faute, j'ai oublié d'amener un produit. Hey, encore? Hey, pense aux auditeurs, David. C'est parce qu'ils ont des haut-parleurs, puis tu vas les faire péter. Ouais. On commence avec. Il y a rien de fun là-dedans. Ouais. On commence avec les céréales. Est-ce que vous mangez les céréales le matin? Ça dépend lesquelles. Ouais. Mais céréales, probablement que tu les mangerais pas. Des cachets. Mais c'est des céréales, tu sais, style grano, là. Brune, hein. Ouais. Ouais, mais ça beau, pour vrai. Ouais, c'est bon. Ça. C'est pas mal meilleur que genre. Croque à cannelle et puis. Croque à cannelle et puis honeycomb. Ouais, t'as besoin de vider la boîte en 5 minutes pour être comblé, puis même là, t'as encore faim une heure après. Mais c'est tellement bon dans mes bouches. Donc, on dit qu'il pourrait y avoir bientôt moins de protéines dans nos céréales. La liste des conséquences du réchauffement climatique s'allonge. C'est la qualité nutritionnelle de certaines cultures de base qui semble menacée. Et selon une étude, en effet, le dioxyde de carbone aurait un impact négatif sur les protéines végétales. Des chercheurs de l'université de Harvard s'inquiètent des résultats d'une étude qu'ils viennent de publier. On conclut que l'augmentation des taux de dioxyde de carbone, le CO2 dans l'atmosphère, réduit assez nettement la quantité de protéines présentes dans les cultures de base telles que le riz ou le blé. D'après les données issues d'expériences menées sur le terrain avec des plantes exposées à de fortes concentrations de CO2, les experts américains estiment qu'en 2050, l'orge contiendra 14,6% de protéines en moins, le riz 7,6%, le blé 7,8% et les pommes de terre 6,4%. Or, quelque 76% des humains comptent sur les protéines végétales pour leur assurer une alimentation correcte. Sans elles, la croissance devient difficile, les maladies plus fréquentes et de fait, le taux de mortalité précoce augmente. Le rapport des experts prévoit ainsi que l'Inde pourrait perdre 5,3% des protéines de son régime alimentaire, une perte qui peut sembler légère, mais qui menacerait tout de même la santé de près de 53 millions de personnes. Malheureusement, les chercheurs de l'Université de Harvard ne proposent pas encore d'explication au phénomène. Une hypothèse voudrait que le taux de dioxyde de carbone entraîne une augmentation d'amidon dans les plantes et donc une diminution des protéines. Mais rien n'est prouvé, d'autant que d'autres études avancent déjà que la hausse du CO2 dans l'atmosphère réduit aussi la quantité de minéraux clés présents dans les plantes. Oh ouais. Je sais pas, je peux rajouter quelque chose? Ben oui, toujours. Mais en fait, aussi à cause des réchauffements climatiques, je sais pas s'il va y avoir plus d'inondations, donc d'inonder les récoltes, par exemple. Donc, d'ici 2050, ça va faire dur. Ouais. Et aussi, c'est sûr qu'il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup plus de mouvements d'êtres humains, de pays défavorisés, parce qu'avec les réchauffements, puis justement les récoltes qui sont pas très, très avantageuses, faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de mouvements aussi. Ouais, triste. Faut s'y attendre parce que ces gens-là... T'es pas prêt à manger des insectes? Ben, pour vrai, des sauterelles grillées, c'est super bon. Yeah! C'est excellent. Mais j'en doute pas que c'est bon, mais c'est juste laid. En autant que soit morte. C'est ça. On va en Antarctique. Un gâteau vieux de 100 ans est parfaitement conservé. Depuis 1910, par un bon emballage et le froid qui règne en Antarctique, un gâteau aux fruits trouvé dans une ancienne... Ça me surprend pas que ce soit un gâteau aux fruits parce que c'est... J'aimerais quand même souligner que le gars sous son nom dans l'article, c'est marqué « journaliste ». Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu crois pas? Je te déclare journaliste et t'écris un article sur un gâteau vieux de 100 ans. Mais attends un peu. Un gâteau aux fruits trouvé dans une ancienne base scientifique de la côte de la mer de Ross semble encore mangeable. Une pièce historique qui date probablement de l'expédition Terra Nova menée par Robert Scott pour atteindre le pôle sud et qui s'est achevée dramatiquement. Tu vois, mauvaise information. Pourquoi? Tu penses automatiquement que tout l'article va être par rapport au gâteau. Ah, mais là... Ben, c'est comme une... Mais j'espère que c'est pas ça. Parce que il a fait un article long de même sur un gâteau aux fruits qui est conservé pendant 100 ans. Ben, en fait, oui, parce qu'une équipe d'historiens a découvert le plus vieux gâteau aux fruits soigneusement empaqueté dans du papier et enfermé dans une boîte en fer. La pâtisserie est en excellent état et même semble encore mangeable. Ils l'ont pas essayé. L'équipe fouille depuis mai 2016 une ancienne base scientifique sur le Cap Adar dans l'est de la mer de Ross en Antarctique et a déjà accumulé 1500 artefacts, c'est-à-dire des objets faits de main d'homme. Là est passée l'expédition britannique Terra Nova entre 1910 et 1913, menée par le capitaine de la Royal Navy, Robert Scott, qui en était à sa deuxième incursion près du pôle sud. Ces gâteaux aux fruits faisaient partie du ravitaillement embarqué, confectionné par Huntley et Palmers, un aliment très riche, idéal pour les conditions de l'Antarctique, qui est encore prisé aujourd'hui, on mange encore ça. Et vous pouvez aller voir les photos de ce gâteau. Ils l'ont mangé. Non. Okay. On mange le même genre de gâteau aujourd'hui. Oui, une chance. Ben, tu vois, ça... Y a-t-il quelqu'un qui s'est tenté, genre? Y a-t-il quelqu'un qui l'a goûté? Pas dans l'article, non, malheureusement. Mais, cela étant dit, il y a une chaîne sur YouTube. Là, évidemment, le nom me vient pas live comme ça, mais il y a un gars qui teste des vieilles rations de l'armée, oui, entre autres. Ça. C'est très intéressant à regarder. Le gars, il est vraiment passionné. Il capote bien raide, puis ça goûte pareil comme un vrai biscuit soda. Tu sais, je sais pas, c'est des biscuits secs. Non, mais c'est vrai. Ouais, vraiment intéressant à regarder. Écoute, il y en a qui trippent sur le pablum jusqu'à 42 ans. Mais cherchez Army Rations sur YouTube. Il y a un gars là, vraiment super bon là-dedans. Bref. On va lâcher les gâteaux aux fruits, on va aller aux allergies aux arachides. D'accord. Aujourd'hui, je sais que je parle moins de fast-food, j'ai plus des articles scientifiques sur la bouffe que j'aurais mis dans Merci Science au Mathieu Plante Show, mais que je trouvais que vu que c'était de la bouffe, je mets ça dans une grosse poêle là. Merveilleux. Bon. Donc l'allergie aux arachides, un nouveau traitement semble efficace. Dans un essai clinique australien, la majorité des enfants traités pour une allergie aux arachides ont été guéris avec une tolérance qui a duré pendant 4 années. Le traitement consistait à prendre oralement des probiotiques associés à de la protéine d'arachide. Je ne vanterai jamais assez les bienfaits des probiotiques. J'adore les probiotiques. Testez-en plusieurs sortes, mais celle que je prends, là, j'ai enfin trouvé la bonne. Ah ouais? Vraiment, là, je le conseille énormément. Mais ça cause pas de déséquilibre au début? Ça dépend desquels. Il y en a une que j'ai essayé, une probiotique, qui était beaucoup trop intense dans les 50 milliards, je pense, de probiotiques dedans. Puis ça me donnait vraiment mal au ventre. Mais là, celle que j'ai trouvée de Mark Jameson, me donne une très bonne sensation et ça va beaucoup mieux dans mon ventre. Bon. Pour vrai, essayez-en plusieurs avant d'abdiquer, je pense. Bon. Moi, j'aime mieux un yogourt coconut. J'avoue que c'est bon ça aussi, mais c'est pas assez. Adéquat quand t'es allergique au lactose. Il y a ça. C'est intolérant au lactose puis le yogourt. Ça va empirer ton cas. Le café. Ouais. Bref, au cours des dernières décennies, la fréquence des allergies alimentaires est devenue croissante dans les pays occidentaux. Souvent, les allergies aux œufs, lait, blé et soya passent au cours de l'enfance, mais les allergies aux fruits à coquilles, et aux poissons et fruits de mer ont tendance à persister à l'âge adulte. Ces patients doivent éviter leurs aliments interdits et savoir comment réagir en cas de réaction allergique. Cette vigilance de tous les instants, oui, a un impact sur la qualité de vie des enfants et de leur famille. L'allergie aux arachides est une des principales causes d'anaphylaxie, une réaction allergique potentiellement mortelle. On dit que chaque année, environ 12 à 15 % des enfants souffrant de cette allergie seraient exposés accidentellement à l'arachide. Pour combattre cette allergie, des chercheurs ont mis au point un traitement appelé POIT pour Probiotic and Peanut Oral Immunotherapy, qui combine des probiotiques à une immunothérapie. Au lieu d'éviter l'allergène, le traitement consiste à reprogrammer la réponse du système immunitaire pour développer une tolérance aux cacahuètes. 48 enfants ont été recrutés par le Murdoch Children's Research Institute pour un petit essai clinique. Ils ont reçu soit une combinaison d'une souche probiotique de Lactobacillus rhamnosus avec des quantités croissantes de protéines d'arachide, soit un placebo sinon, et ce quotidiennement pendant 18 mois. À la fin de l'essai clinique, en 2013, 82% des enfants qui avaient reçu le traitement étaient considérés comme tolérants aux cacahuètes contre seulement 4% du groupe placebo. Ouh. Pas mal du tout, hein? C'est bon, ça. Vous pouvez en lire plus sur les objectifs. La petite photo, là, elle m'attire pas. Ouais, non, hein? C'est des bactéries. Oui, c'est ouais, la source probiotique utilisée dans le traitement, une bactérie lactique. Vous pouvez aller en savoir plus sur l'objectif de la recherche et le fonctionnement de tout ça sur assemblagerequis.com. Continuons avec le whisky qui est meilleur avec de l'eau. Oh boy! Oui. Encore une autre journaliste que tu vas aimer, Marie-Céline Jacquier, qui travaille très fort. Après, d'après deux scientifiques suédois, la meilleure façon d'apprécier un whisky est de lui ajouter un peu d'eau. La dilution permettrait de libérer une petite molécule aromatique, le guaiacol, particulièrement présente dans les whiskies écossais. La fabrication du whisky commence par les étapes de fermentation et de distillation. Le whisky, qui contient à cette étape environ 70% d'alcool par volume, est alors mis en fût pour vieillir pendant des années. De l'alcool s'évapore durant la maturation pour aboutir à un degré d'alcool d'environ 55 à 65%. Avant la mise en bouteille, le whisky est dilué à environ 40% en ajoutant de l'eau, ce qui modifie son goût. Mais certains amateurs versent encore un peu d'eau dans leur verre pour le déguster et améliorer son goût. Sais-tu ce qu'il faudrait faire en théorie pour apprécier un bon whisky? C'est pas y mettre de l'eau, non. C'est plus tu passes ton verre à l'eau. Oh. Mais tu gardes pas l'eau à l'intérieur du verre. Tu fais seulement le brasser. Tu pourrais pas le faire directement dans la bouche? Non, pas vraiment. Puis après ça, tu mets ton whisky dans ton verre. C'est peut-être le même genre qu'elle a là, mais tu y mets pas un quart d'eau avec deux quarts de whisky. Non. À essayer. Donc, dans un article paru dans Scientific Reports, Bjorn Carlson et Ran Friedman ont voulu savoir si l'ajout de l'eau dans le whisky lui donnait vraiment plus de goût. Pour ce faire, ils ont utilisé une simulation informatique et modélisé la composition du whisky. Il existe deux hypothèses pour expliquer que l'ajout d'eau améliore les qualités gustatives du whisky. La première est que l'eau piège des composés désagréables comme des esters d'acide gras. C'est pas le nom que ta pilote de tantôt dans ta chronique, c'est esters d'acide gras? Oui, oui, ça ressemble à ça, la turque. Mais d'après les chercheurs, ces esters sont présents à de trop faibles concentrations pour jouer un rôle. T'as reçu un message entre-temps, qu'est-ce que ça dit? Oui, en fait, ça fait dire que j'ai vraiment la bonne façon de faire un whisky. Bon. Tu trempes simplement le verre, l'intérieur du verre dans l'eau, là, tu le brasses, là, ouais. Comme si tu le rinçais, tout simplement. Mm-hmm. Tu le pitches le reste d'eau dans le robinet. C'est un terme technique. Puis après, ouais. Ben oui, pitcher. Puis après ça, tu le remplis de whisky. Oh. À prendre en considération de ne pas faire un quart, deux quarts. Fais attention. Donc, la seconde hypothèse est que l'eau libère des molécules qui améliorent le goût. L'eau et l'alcool ne se mélangent pas bien et les composés aromatiques peuvent être piégés dans l'éthanol et ne pas atteindre la surface. Le whisky contient de nombreux composés, mais les chercheurs se sont concentrés sur le guaiacol, une petite molécule hydrophobe qui donne un goût fumé et plus fréquente dans les whiskies écossais que les whiskies américains ou irlandais. D'après ces simulations, la concentration d'éthanol avait un effet sur le guaiacol à des dilutions inférieures à 45%. Là, on parle vraiment de quasiment un pour un. Mm-hmm. C'est-à-dire aux concentrations de la mise en bouteille, l'éthanol s'accumule à la surface avec le guaiacol, là où il peut être consommé. Mais au-delà de 59% d'éthanol, concentration après distillation et avant dilution, le guaiacol est davantage entouré de molécules d'éthanol et moins présent à la surface et donc dans les effluves libérés. Colin, je regarde ça, puis il va falloir pas mal arrêter là. Ouais, hein? C'est triste. Oh, David est triste. Laissé sur notre soif. C'est sur notre faim, on n'a rien mangé ensemble aujourd'hui. Tu parles d'un rabat-joie d'avoir rien amené à manger. Hein? Voilà, on se quitte là-dessus. C'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. Les notes de l'émission, on est rendu au numéro. Colin, où est-ce que j'ai écrit ça, moi, le numéro là-dessus? Je me rappelle plus où j'ai mis ça. Ah, 11-19, voilà. AssemblageRequis.com, AssemblageRequis numéro 1119. On termine l'émission là-dessus. On remercie David d'avoir passé un bon bout de temps d'émission avec nous. Ben, merci de m'avoir invité malgré mes boues. Merci Tania Baudin aussi. Ben, ça fait plaisir. Merci Mathieu Plante. Ah, merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci de nous retrouver la semaine prochaine pour une dernière fois l'après-midi, si je comprends bien. C'est jeudi entre 14h et 17h. Après nous, c'est Rock Révélé en rappel. On repasse les samedis entre midi et 15h. Après nous, une rediffusion d'En Piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce qui s'en vient dans Piste cette semaine? Bien, on va faire un bref retour. Non, c'est pas un bref, c'est quasiment une émission complète sur ce qui s'est passé du côté d'Antigoniche pour la série NASCAR Pinties. Ça l'a vraiment bougé. Ça a joué dur. Ça a joué du coude, Mathieu. Et on parle aussi du championnat canadien qui arrive cette fin de semaine. Génial. Donc, ça, c'est en rappel, En Piste avec Tania Baudin à partir de 15h samedi. Et on joue finalement le mercredi entre 11h et 14h. Après nous, ça va être une nouvelle édition d'En Piste avec Tania Baudin. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye.